êtes prêts pour fêter Noël à la radio ce soir? Ouais. Oh, ça va, faites pas la gueule. Vous auriez fait quoi, sérieux, si on n'avait pas fait l'émission ce soir? Bah, moi, j'aurais bu du champagne toute la soirée déjà. Ouais, moi, j'aurais gratté à bouffer chez ma daronne. Ouais, moi, j'aurais et bu du champagne et gratté à bouffer dans la famille. Ouais, donc vous ratez rien, quoi. Hein. C'est ce que vous faites déjà toute l'année, donc pas de regrets. Et toi, Tof, t'aurais fait quoi? Bah, c'est simple. Moi, j'aurais sûrement fourré la dinde. Bah, c'est parfait, son gros, la soir. Ça fait 5 ans. 5 longues années. Eh ouais. Et Michael est toujours là le soir sur Énergie. Ouais. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Michael sur Énergie, 2010. Enfin, 21h minuit quoi. Ouais, parce que là, ça fait très vite, tu sais, RIP. Ouais. Enterrement, 2005-2010, ouais. Michael. Ouais, t'es mort. Voilà, j'ai duré 5 ans, c'est beau. J'ai une Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que tout le monde va bien, ça y est. Comme l'a légèrement... crié. Oui, crié le roux, effectivement. Ça y est, c'est Noël. Ah, et c'est là que je sors mes boules. Ça se calme, hein, et tout se passera bien, tu vas voir. Donc on est avec vous jusque minuit plus, probablement, avec encore une grosse émission ce soir. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Sandro, jusqu'au bout de l'année, tu nous auras tanné avec la bouffe, quoi. C'est comme sur Alice. Bon, d'ailleurs, on va faire une rétrospective sur l'année écoulée, un peu comme les chaînes de télé, quoi. Ouais, comme hier, quoi. Ouais, ouais, exactement. On va se refaire quelques moments, quelques passages, quelques phrases qui auront marqué l'émission. Un bêtisier, quoi. Oh putain, il y avait du dossier. Hein. Moi, j'étais à deux doigts de me foutre des trucs dans l'iPod. Hein. C'est clair. Et comme hier, on avait appelé les Pères Noël, là, donc Tof, ce soir, va essayer de s'incruster chez des gens partout en France pour passer Noël ensemble. Ouais, voilà, enfin, c'est surtout pour passer Noël chez eux, hein. C'est ça le plus important. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, donc en gros, l'idée c'est que Tof est un crevard et qu'il veut passer Noël chez les gens, du coup bah, on les appelle pour se taper un peu. C'est surtout que j'ai pas d'amis, donc forcément il faut que quelqu'un veuille fêter Noël avec moi. Bah, exactement, effectivement. Ça avait pas trop marché hier d'ailleurs. Bon, effectivement, mais surtout avec les Pères Noël au final, ça s'est très bien passé. Enfin, ouais, ça s'est très bien passé. On avait vu que le français était de très mauvaise humeur. Et le flamand. Et le flamand était beaucoup plus ouvert en revanche. Ouais, bon, mais au final, il l'a pas eu son Père Noël. Ouais. Non, je pense qu'il n'arrivera pas à s'incruster tous les ans. Bon, on verra. Bon, ouais. Joyeux Noël. Comme tous les jeudis, l'expression du jour, ce soir, on prend une expression de la langue française et on vérifie si elle fonctionne. Comme tomber dans les pommes, avoir un coup de pompe, etc., etc. Tourner autour du pont. Par exemple aussi. Ah, tiens, on va se faire celui-là. Non, il pourrit celui-là. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un collector. Oui, mais tu as dit ce soir qu'on allait se faire une rétrospective de l'année écoulée. Bah, ça tombe bien. Il était nul. Non, on l'a mis hier, on peut le remettre aujourd'hui. Mais il est nul. Bon, bref. Bon, avant ça, on va faire un tour du côté du répondeur avec les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Et le plus original, comme chaque soir, pardon, on repart avec un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Je t'aime très fort, Sandro. Je ne peux pas vivre sans toi. Parce que tu sais que je t'aime fortement. Tu as quitté ma vie comme l'hirondelle qui quitte son nid. Je t'ai offert du Nutella, mais tu m'as dit j'aime pas ça. Alors je t'ai proposé un kick-kat. Tu m'as dit je vais devenir trop fat. Je t'aime Sandro. Oui, je t'aime Sandro. Avec tes kilos en trop. Je t'aime Sandro. Oui, je t'aime Sandro. Fin du message. Message suivant. Oui, bonsoir Michael. Joyeux Noël à toute l'équipe. Merci d'être avec nous ce soir de réveillon de Noël. Surtout que je pense le roux doit faire la gueule, hein, puisqu'il y a attention à la marche, son émission préférée, spécial Noël sur TF1, il est en train de rater ça, ça me fait de la peine pour lui. Bon, mais voilà, bon courage à tous, ciao ciao. Fin du message. Message suivant. Ho ho ho, c'est le Père Noël. C'est juste pour vous dire que Roux a été sage cette année. Il serait judicieux que l'équipe lui offre un cadeau, ou plusieurs cadeaux. Fin du message. Message suivant. Oh putain les gars, ça y est, j'ai trouvé la dame de Noël. Il y a Damido sur M6. Fin des nouveaux messages. Bon ben en tout cas on récompensera pas le faux Père Noël. C'est dommage, mais il appelait de loin. Ouais, il appelait de loin, ouais, c'est ça, il appelait du bureau, non? Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et puis ce soir c'est Noël, et qui dit Noël dit... Ma mère. Non, bah non. Robluchon. Mais non, qui dit Noël dit cadeau, voilà. On va s'en offrir puisque, bah, souvenez-vous, il y a quelques semaines, chaque membre de l'équipe avait tiré au sort un autre membre à qui il devait offrir un cadeau pour Noël. Alors, qui attaque ? Moi, tu qu'on m'offre ? Bah, pour la peine, tu passeras en dernier. Exactement. Non, arrêtez. Tu passeras dernier, tu attendras trois bonnes heures. C'est bon, filez-moi un trois cadeau. Trois longues. Donc, qui commence ? Ah, moi, je veux bien offrir à Toff. Ah oui, c'est vrai. Jack, il veut offrir à Toff. Ouais. Bon, allez. Allez, premier cadeau. Il y avait 4. Ah oui, 4. Wow, t'es gâté, putain, la chance. J'espère que j'en aurai autant. Ouais. Et pour l'emballage, bon, j'ai... Ouais, enfin, c'est la radio qui offre. Ouais, t'as fait les emballages de la radio, quoi. Enfin, des ça, c'est des enveloppes que t'as appliquées sur mon bureau. Et c'est des cadeaux qui. Ah putain, je les vois depuis je sais pas, 2 ou 3 semaines. Attends. Il y a un ordre ou pas ? Bah non, c'est. Il va comme il veut. Hein. Oh. Qu'est-ce que c'est ? C'est une carte. C'est toujours sympa les cadeaux bâtards. Surtout que c'est le dentifrice premier prix le pire de tous. Biancoril. C'est-à-dire que je crois que je préfère encore pas me brosser les dents qu'utiliser ça. Ah mais comme il y a des capotes, Durex. Durex. Alors ça c'est simple, il s'est servi dans ton coffre. Hein. Ouais, c'est lesquels non, c'est ça pas vrai, j'ai pas de Durex dans mon coffre. Non mais c'est lesquels ? C'est Pleasure Max. Ah oui, t'as la main. Ouais. C'est rainuré tout le merdier. Ouais, c'est rainuré, c'est le top quoi. Bon bah très bien, ça sert avec Micha. Ouais. Merci. Vaseline pure, je t'ai déjà dit, Jack, pas de la vaseline avec les capotes. Oui, non mais ça c'était une façon poétique de te dire d'aller te faire enculer. Voilà. Alors moi j'ai l'élève jersey, je veux bien le prendre. Bah tiens, prends la vaseline. Du cadeau, tiens. D'élève du visage, hein, je parle. Ouais. Il paraît que ça marche bien. Non, c'est vrai, si vous avez des élèves. Et une brosse à dents. Bravo. Eh putain, Toff, t'as été gâté. Ah ouais. Alors, ça m'inquiète pour le reste de l'émission. Je savais que la brosse à dents et le dentifrice, ça allait faire plaisir, mais spécialement à Toff. C'est un cadeau pour tout le monde, ouais. Voilà, c'est ça, c'est beau. C'est un beau cadeau, c'est collectif. T'as c'est sympa, chance, ouais. Je suis contente de ne pas être trouvée sur Jack, quand même. Je te raconte pas la tête de la caissière quand je suis arrivé avec ma vaseline, ma brosse à dents, mes capotes et le dentifrice. Tu m'étonnes. Bon ben voilà, joyeux Noël Toff. Ah merci, c'est trop sympa. Écoute, avec plaisir, c'est bien. Heureusement que j'ai les capotes, hein, sinon. Ouais, bah écoute, c'est le plus cher. Oh là là. Je me doute. 4 cadeaux, la chance. Franchement, ouais, j'espère que j'en aurai beaucoup. Et moi aussi, Roux. Juste après là. Non, moi. Ah, tu m'offres juste après ? Non, moi, juste après. Non, Roux, il passe trop en dernier, il se ramène trop. Non, tu fais le marié. Je donne pas le tien. Bah, va te faire foutre, tu sais quoi, ce genre de merde. Offre le cadeau à Mickaël. Eh ben, je donne pas. Ouais, c'est ça. Et tout moi, le monde. J'offre. Exactement, tout le monde, c'est toi. Eh ben, très bien, tu me l'offres pas, Sandro te l'offre pas. Si, elle me l'offrira. Non. Si. Non. Si. Non. Si. T'as intérêt à ramener le cadeau, je te dis direct. On verra. Fais gaffe, sois sage pendant l'émission parce que c'est. Tu vas être content normalement. Ouais, enfin bon. Ouais, bah ça veut rien dire. Hein. Ferme ta gueule. Tu verras. Bon, on verra. Et puis, comme tous les. Alors, ouais, elle est perturbée, donc. Hein. Bon, on va se faire donc le Faux-JT, hein, comme deux fois par soir. Et c'est le best-of du Faux-JT. Les meilleurs c'est basé Faux-JT. Sur les gens qui ont voté sur le site internet. Ah, c'est fort. On a gardé les meilleurs vannes. Oh, mytho, bravo. Quel boulot. Bon, allez, le Faux-JT maintenant, c'est parti. Nous sommes le 24 décembre 2009. Bonsoir à tous. Elle a oublié, donc. Cinéma. L'Arabie Saoudite, le Maroc et l'Algérie interdisent la projection du prochain film d'épouvante, Saucisse. Effectivement, ils exigent une version halal. Hiver. Une nouvelle information vient de nous parvenir à propos de Tariq Ramadan. C'est officiel, Tariq Ramadan crève la dalle. People. Oui, et suite de l'affaire Jackson, cette fois c'est sa petite sœur qui tente de faire du business grâce à sa mort. En effet, elle aurait signé un contrat avec un constructeur automobile. La Toyota Jackson sortira en décembre. Et People toujours. Terrible accident chez les stars. McLavoine s'est fait bouffer par un cheval. Et radio pour finir, Clara Morgan sera l'invitée du 6-9 dans quelques semaines pour son émission sur NRJ 12. Ouais, pour l'occasion, l'équipe du 6-9 a décidé de faire un télévagin. Oh. Allez, qu'on donne 2 euros là au rieur. Qui rentre chez lui. C'est qui McLavoine? C'est une marque de rasoir. Ah d'accord, ok. Voilà. Je croyais que c'était un Mac à nouveau. Enfin, je sais pas, ouais, d'accord, ok. Bon, donc ce soir, on est là, bien évidemment, avec vous. On aura des sons de Noël. Son de la cave spécial Noël. Oh. Avec Simple Plan spécial Noël. Et puis avec l'autre son juste spécial Noël. Hein. Alors, pour ceux qui étaient l'année dernière, c'est les mêmes. Hein. J'en ai pas trouvé d'autres. Ouais, bah oui. Mais non, mais il n'y a pas 10 000, tu vois, les groupes de rock qui font des chansons de Noël. Si non, mais Maria Carré en a fait une. Ouais, bah ouais. Oh non, elle est relou. Non, mais pour changer. Temps, hein. Non, ça passe tout le temps sur toutes les radios, j'en peux plus. C'est à vous ? Ouais. Surtout sur Chérie FM. Hein. Oh là là, Marie Carré avec la chanson de Noël. Je savais pas que t'écoutais Chérie FM. Non, mais dans les boutiques, quand tu rentres, t'as parfois Chérie FM dedans. Ah oui. Ouais. Merci. Sans prix. Bah, chez CA, c'est souvent. Ou... Ouais, c'est ça. Bon, allez, on revient dans quelques instants. Ne bougez pas, un petit peu de pub. Et puis, mais puis on revient juste derrière avec notamment Toff qui va essayer d'appeler tout à l'heure des. Et les cadeaux, les cadeaux. De s'incruster pour le réveillon de Noël. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Mickaël engueule son équipe en antenne. Et l'émission revient juste après ça. Et retour de l'émission comme tous les soirs. Et ce soir, c'est particulier, car c'est. Le réveillon de Noël. Oh, c'est beau. Eh oui. Et pour le réveillon de Noël, je vous ai prévu une belle surprise puisque. On n'a pas de buffet. Nous n'avons pas de buffet. Un peu comme chaque année d'ailleurs. Ah oui, si vous avez remarqué. Vous l'attendez, ça sert à rien. Bah, je sais pas, à chaque fois tu dis bon, on va y croire. Bah, en fait, non. Ils vont nous faire un truc et non. Devant le studio, on a un fond. Est-ce qu'ils savent qu'on exerce au moins? On exerce. Tous les soirs, ils savent qu'on est là ou pas? On est médecin, on fait des éparations. Ah oui, non. Oui, non, ça oui. On vous a laissé un fond de bouteille d'Evian. Et c'est sympa. Ça, c'est beau. Et c'est sympa. Et c'est sympa. Cadeau et tout. Voilà, c'est vrai. Bon, enfin bon. Bon, c'est pas grave. On est là, 24 décembre. C'est réveillon de Noël. Pour ceux qui en ont rien à branler ou pour ceux qui sont seuls, eh bien, on est là avec vous. Il n'y a pas de problème. Les autres, eh ben, profitez. Amusez-vous avec la famille. Faites-vous chier, quoi. Ouais, c'est ça, on sent tout ça. C'est vraiment une tannée, c'est en gros, en gros, c'est ça, effectivement. Parce qu'en fait, le repas dans la famille, tu n'attends qu'une chose, c'est d'ouvrir les cadeaux et de te barrer. Voilà, exactement. Et sauf que moi, j'ai dit une connerie à ma mère en plus, parce qu'elle dit ah putain, ça fait des années qu'on n'a plus fêté Noël, à chaque fois que tu bosses ou t'es en vacances. Oh, et je dis bon, ok, allez, l'année prochaine, on fête Noël ensemble. C'est un samedi. Et c'est, ah, c'est un samedi ? J'en sais rien. Ah putain, j'ai. Et donc, voilà, elle dit ah cool, machin, puis après. Puis t'as ma soeur qui arrive derrière, elle me dit, parce que ma soeur elle prévoit tout 10 ans à l'avance. Elle me dit bon, alors donc l'année prochaine, on fait. Je dis non, mais je dis ça comme ça. Ah bah non, mais alors là, maman elle est au taquet, hein. Oh, je dis putain. Mec, t'as signé quoi, t'as vendu ton âme. Ouais, c'est mort. T'es quelqu'un peut me dire quel jour ça tombe l'année prochaine ? Putain, ça. Ouais, si tu veux, je vais te le dire. Samedi. Je vais regarder. Enfin, même, quoi qu'il arrive, même si c'est un samedi, ça va être relou quand même, quoi. Au final, hein, ça va rien changer, quoi. Putain. Oh, t'auras de la bûche. Non, mais ça veut dire que si moi je suis pas là pour faire le 24 décembre, vous allez passer Noël en famille aussi ? Oh là là, ah, parce que vous n'aurez pas l'excuse. Les mecs ils sont dégoûtés. Oh si, on trouvera bien. Bon, tu sais quand ça tombe ou pas? Attends, août, septembre, octobre. Voilà, on y arrive. Non, c'est juste pour être sûr parce que décembre, je suis en panique. Décembre, le 24 c'est un vendredi soir, le 25 c'est un samedi. Ah, donc c'est le vendredi. Bon, bah tant pis. Bon, c'est pas grave, écoute, tant pis. Bon, allez, on va se faire les bêtisiers. Là, on avait commencé hier, là, j'en avais pris plein la gueule en fin d'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Hein. Toff aussi, c'est vrai, effectivement. Et là, je pense qu'il est temps de s'attaquer... À Sandro. Au roux. Ah, je dirais roux. Plutôt le roux, moi. Oui, commençons par le roux. Ouais. On va faire le roux. Roux, j'assume que c'est. On va faire le roux parce que le roux a quand même un score... casier judiciaire. Inégalé. Ouais. Hein, il a pas mal de dossiers, dont la plupart sont assez célèbres, hein, quand même. Parce que ouais. Je crois que c'est ceux qu'on repasse le plus souvent. Ouais, mais c'est un truc de cul à chaque fois que vous mettez. Mais on y prend. Eh ben, pas que. Parce c'est ce qui te caractérise. Hein. C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui le caractérise d'autre, le roux? Le foot. Le paix. C'est pas possible, tu peux pas... Oh, pardon. Charles, tu peux oublier que t'es enculé de roux. Oh là là là là là là. Le mec, ça, c'est drôle. Parle, il rote. Attends, et remets-le un peu plus fort, même, si tu peux. Mais c'est pas possible, tu peux pas... Oh, pardon. Charmant. Le roux, du fond du cœur, celui-là. Le roux, toujours glamour. La violence, mais comment est-ce c'est possible, drôle, quoi. Comment est-ce possible. Même si je résiste pas. Mais c'est pas possible, tu peux pas... Oh, pardon. Et ce qui est beau, c'est le oh pardon, et c'est avec ce oh pardon que tu sens qu'il a vraiment pas fait exprès, que lui-même ne s'attendait pas à ce que ça sorte à ce moment-là. Je suis dégoûté parce qu'il y en avait un de toi aussi de rouge, je l'ai pas retrouvé. Grave, je sais pas où il est passé ce rouge. T'es en plein speak et on entend. Ça a été effacé en soirée. Je vous le jure que non. Ah putain, c'est dommage. Ah non, putain, c'est... j'ai pas fait un roux. Un roux d'enculé. Bah, un roux d'enculé. Franchement, alors c'est con que vous l'ayez perdu parce que ça arrive tellement rarement. Ah bah oui. Que c'était un collecteur, ça avait l'oseille un roux. Ouais, je te dis direct. Bon, c'est pas fini, il y en a d'autres encore. Ouais, il y en a d'autres. Alors attention, celui-là il va très très vite. Hein. Le bus a eu un accident de voiture. Alors, le bouffon. Je me souviens, le bus a eu un accident de voiture. Oh la honte. Le bus a eu un accident de voiture. T'as Robert Rebet, je parlais dessus. Le bus a eu un accident de voiture. Sauf que vous rigolez, mais au moment où c'est arrivé, personne n'a remarqué. Oui, parce que personne t'écoute pendant les infos. Non, c'est pas vrai. C'est parce que nous sommes d'une équipe de professionnels, ouais. Et moi-même étant un professionnel, je n'ai pas voulu l'arrêter. Pour la simple unique raison, c'est qu'on m'a toujours dit, quand tu fais une erreur, ne reviens pas sur cette erreur parce que la moitié des auditeurs n'auront rien remarqué. Et voilà. Alors que si tu remarques, on n'a rien dit. Hein? On n'a rien dit. T'as dit remarqué, on n'a rien dit. Ben voilà. Tu vois, personne n'avait remarqué, moi-même. Tu vois, comme quoi, hein. Bon, remets-le encore un coup. Le bus a eu un accident de voiture. Oui, parce que en général, le roux, il est très attaché à la langue française. Il aime bien la défendre. Ah. Ah. Quel est le vrai français ? C'est le vieux français ou le français qui a évolué avec son pays ? Je ne sais pas. On s'en fout. Non. Bah, c'est le français. Non. Attends, tu sais quoi ? Fais-moi le loup. On l'entend pas bien. Ouais. C'est le français de nous, il dit. C'est le français de nous. Et surtout qu'il arrive avec sa question, tout le monde se fout. Parce qu'on peut le remettre un coup aussi. C'est... Pardon ? On peut le remettre un petit coup. Ouais, quand même. Ouais. Ah. Quel est le vrai français ? C'est le vieux français ou le français qui a évolué avec son pays ? Je ne sais pas, on s'en fout. Non, bah, c'est le français. Non. Attends, tu sais quoi ? Et je me souviens, c'est venu parce que on était parti avec Polo, on avait été à Québec, et effectivement, on était revenu avec des expressions improbables. Et donc, d'où il vient avec oui, mais quel est le vrai français ? Le français de ces bourrins là, ou le vieux français qui a évolué avec son pays ? Le français de nous. On lui dit un autre français, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave en même temps. Il y a encore un petit là. Ouais, il y en a au niveau de la bafouille aussi. Il fait comme Toff parfois, le gros. Envoie. Oh, ça va être récupéré, hein. C'est tu veux. Ouais. Bon, ça lui arrive pas souvent, par contre. Il est capable de dire envoie. Envoie. Oh. il y en avait un aussi. Bon, je sais pas si on l'a récupéré. Il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Il était incapable de dire un mot. Ouais, mais on l'a pas récupéré. Ah putain, mais c'est comme celui-là. C'est comme l'envoyer le. Ah ouais, c'est. Voilà, je peux pas. C'est un peu compliqué parfois. Envoyer le lui. Ah ben voilà, j'y arrive. Ouais, mais je galère. Mais ça, c'est des mots dégueulasses, ça. Yé le lieu. c'est dégueulasse. Envoyez le lui. Ça va. Envoyez le lui. Tof. Envoyez le lui. Roux. Envoyez le. Jack. Envoyez le lui. Roux. Envoyez le lui. Mickaël. Ah, envoyez le lui. Attends, et je fais une. Chacun son truc après. Alors que je passe à côté quand même. Je sais pas, moi je suis pas passé à côté, c'est pas pour autant que je suis animatrice. Ah non, mais attends, ceux qui arrivent à le dire ne sont pas forcément animateurs. Oui. Mais pour un animateur, ce serait quand même dommage de bafouer. Bon, à la maison, essayez maintenant, envoyez-le lui. Envoyez-le lui. Voilà, bref. Bon, c'est tout ? Bah écoute, j'ai encore du dossier. J'ai Roux qui chante avec le guitariste de Justin Mazuka. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on avait reçu Justin Mazuka. On va le mettre dans deux secondes. Sinon, j'en ai deux, trois qui sont hyper célèbres, du Roux notamment. La vraie découverte de mon ami. C'est off. Voilà. Et là, même temps, je suis gay, dit. Je prends par derrière. Tu l'as dit, c'est pas nous. Ouais, bah oui, bah c'est vieux, mais ce tu l'as dit quand même. C'est pas du montage. C'est pas du montage, je tiens à le signaler. Bon, et maintenant, c'est vrai que c'était il y a pas si longtemps que ça, mais pour le ceux live. Qui n'étaient pas là. On s'envoie le live. Justin Nozuka était passé. Non, Justin Noruka. Non, mais Justin Nozuka était passé nous voir. Il avait fait son live et le roux avait dit oui. Franchement, c'est facile, une guitare, tu lèves des meufs, c'est simple, machin. Je l'avais dit à Justin Nozuka qui a eu la gentillesse de nous prêter son guitariste. Ouais. Et le roux a chanté. Le roux a. Justin Nozuka. A fait Justin Nozuka. Justin. Bravo! Ah, tu es seul à applaudir. Ouais, bah oui, déjà. Tu vois, j'essayais, pourtant. C'était là. Ouais, enfin bon, oh là là. Is there something in your eyes? La voix de couleur. Quelle horreur. You look up to the sky, you're long for something more. Quelle horreur. Darling, give me your right hand. Non mais... Oh, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va

Tu mettras tout dans le sac. Bon, allez, on offrira encore d'autres cadeaux tout à l'heure. On fera le tour, bien entendu. Et je rappelle que depuis 21h, on le dit, le roux sera le dernier. Ouais, ouais, merci beaucoup. Bah, tu nous as tellement fait chier avec ton cadeau, là, tu l'auras le dernier. Et tu pour l'instant, dernier. Je peux vous dire, ce sera le meilleur cadeau. T'enflamme pas non plus. Bien. Je sais ce que c'est, donc. Bah oui, alors, et ça se trouve, il y en a par d'autres. Par rapport à tout ce que j'ai vu ce soir. Ouais, il y en a eu deux. En même temps, il y en a eu deux, si tu veux. À moins que mon ado sera le plus gâté. Mon ado, je pense. Non, mon ado, l'ado, le roux. L'ado de l'équipe, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'ado de l'équipe. Notre ado. Je suis même pas un ado. Bon, allez, on revient dans quelques instants, on ouvrira encore d'autres cadeaux, et puis, bah, on est là avec vous ce soir, bien entendu, pour cette soirée de Noël, pour tous ceux qui se font chier, parce qu'en général, c'est vrai que la soirée, le réveillon de Noël, c'est en général en famille, donc forcément, il y a toute la famille qui arrive, les vannes de merde, la famille, tu sais, qui, le vieil oncle qui arrive, et qui fout la bite, tu sais, qui pend au plafond et qui tombe. Tu fous la quoi? Et il lance une espèce de bite gluante qui tombe. Et alors, ça les fait rire. Ça tombe sur mémé. Ah, mais si, c'est connu, hein. Ah bon? Ah, il y en a plein, hein, si. En Belgique? Bah non, pas spécialement en Belgique. On jette des bites en Belgique pour Noël. Mais non, mais des bites, ça, c'est une forme de bite, c'est un truc que tu trouves dans les farces à trappe, ça colle au plafond et puis ça retombe. Et ça fait rire tout le monde, et silence. Ah oui, c'est ça. J'aimerais bien découvrir ça, mais je comprends pourquoi je vais absolument faire la radio le jour de Noël, mais c'est ça, t'as raison, t'as raison. Bon, allez, on revient dans quelques instants. Ne bougez pas, vos messages au 612 débutés par énergie ou alors sur mikl.fm. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Mikael revient juste après ça. Et comme tous les soirs, on est là sur Énergie ce soir spécial soirée de Noël. Oh, c'est beau. Joyeux Noël. Et si on avait brûlé un Père Noël? Et non, voilà une bonne idée, Roux. Qu'est-ce qu'il est con. Mais c'est arrivé, ça. C'est ils ont, en fait, il y a plusieurs mecs qui ont brûlé la barbe d'un Père Noël. Ouais, c'est vrai, c'est des bâtards. Ça se fait pas. Quelle bande de gogoles. Non, ils préféraient le voir rasé. Bah oui, c'est ça. Bon, dans un instant, c'est Toff qui va donc téléphoner à des gens pour essayer de s'incruster chez eux pour bah, cette soirée de Noël, justement, pour voir s'il y a des gens qui sont en mode fête ou en mode je suis tout seul, donc viens m'amuser. Bah, c'est surtout si les gens sont esprit de Noël et qu'ils vont m'inviter chez eux pour que je ne sois pas seul. Effectivement, nous allons voir ça dans un petit instant. Ça va te faire jeter en l'air. On va. Il bouffe encore. Oui, ah ouais. Bouffe, comme d'habitude, pardon. Ah, c'est Noël en même temps. Alors, en même temps, avec le buffet qu'il y a dehors, si tu veux, ça devrait être à côté. Hein, ouais. Roux. Bah ouais. Avec tout le buffet, toute la bouffe qu'il y a dehors, là. C'est une gave. Non, pour être franc, on a des biscuits. Hein. Oui, c'est, ouais, c'est, c'était restriction de budget cette année. Nous-mêmes, hein. Voilà, c'est ça. AUD. C'est ça, vous croyez pas non plus que c'est la radio qui nous a mis de la bouffe. Non, non, c'est des princes de haine. Ne vous inquiétez pas. Dans un instant, on va offrir un cadeau aussi, puisque entre nous, on s'offre des cadeaux. On avait tiré au sort il y a 3 semaines à moi, je crois, un truc comme ça. Et donc, chaque personne doit offrir un cadeau à une autre personne. Et donc, il y a eu tout à l'heure. Toff qui a reçu de beaux cadeaux de Jack. Ouais, hein, on a l'air déçu, mais. Ou bien. Ouais, dentifrice, wow. Capote, brosse à dents. Quel dentifrice, hein. Et vaseline. Je ne même pas pour écurer mes chiottes. C'est chaud, l'entreprise, j'avoue. Ouais, il a l'air violent. Ouais. Hier, on en avait parlé aussi des hallucinations auditives. On a dit qu'on en avait encore quelques-unes aujourd'hui à vous diffuser. Les hallucinations auditives, c'est quand on entend une chanson en anglais, par exemple, et que bah, quand on l'écoute bien, on pourrait comprendre quelque chose en français, en fait. C'était quoi votre préféré d'hier? Il y avait Green Day. Green Day. Ouais, Green Day, moi j'aimais bien. Ouais, avec les petites lesbiennes, ouais. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Tu m'excites, j'aime pas mal ça, moi. Les lesbiennes avec des poils. Les lesbiennes ont des poils. Les lesbiennes, elles ont des poils. Hein. Non, lesbiennes. Ah oui, les lesbiennes ont des poils. Oui, c'est vrai, effectivement, il y a de ça, ouais. Donc ça, c'était Green Day, évidemment, ça change tout le... Ah oui. Tout le rock du morceau. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est dommage. Bon, et t'en as des nouveaux, Roux? On a Sublime. Ah, Sublime. Celui-là, pour moi, je crois que c'est le meilleur de tous. Ouh, je préfère le Metallica. Bon, attention, écoutons Sublime. Là. Ça sent le clito? Oh bien! Ah, c'est ça, vérifie! Ça sent clito, vérifie! C'est ça sent le clito, vérifie. Enfin, ça veut rien dire, hein, mais. On s'en fout, ça. Oui, non, si, ça peut vouloir dire attention, l'autre est plus de la chatte, vérifie, ça sent le clito. Ouais, tu dis ça sent la chatte, ou alors ça sent. Ah oui, mais peut-être qu'il parlait de la main d'un ami à lui. Ouais, ouais, c'est vrai. Pas mal. Deuxième, Metallica. Alors, le deuxième, attention, c'est très facile, mais c'est. Bon, ça veut rien dire aussi. Ça veut rien mais dire. Mais c'est énorme. Nous breton. Non, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait la dernière fois. Moi, je me souviens. Il y avait une histoire de poussin, non ? Nous battons des œufs et cuic-cuic, ils sont durs. Ah, ils étaient trop duqués, ça venait me flinguer la chanson là. Mais c'est surtout que ça ridiculise le chanteur. Tout ouais, ça. Ouais. Pour un bouffon là. Et si tu l'as devant ta gueule, t'as pas envie de lui faire quick quick. Ouais. Ah, c'est le bruit du coup, on bat les yeux. Ah ouais, ouais. Et quick quick, ils sont. Et là, t'as tous les Français, les fans français qui vont lui offrir les petits poussins jaunes. Il va pas comprendre, mec. C'est n'importe quoi. Vous venez de me flinguer la chanson là. Ah, ça va. Désolé. Terminé, terminé. Bon, très bien, c'est tout pour les hallucinations auditives. Ouais, on s'en garde pour l'année prochaine. Parfait. Bon, Pedro. Oui. C'est l'heure d'offrir des cadeaux là. Oh, ah. Offrir des cadeaux à Micha. Oh. Bon, c'est pas comme s'il avait bien bossé, hein, mon frère. Ouais, c'est vrai qu'il mérite rien du tout. Ça m'énerve, il attend depuis deux semaines, il attend avec impatience tous les jours, il me demande. Il essaye de savoir ce que c'est depuis deux semaines. Alors, mais personnellement, je ne sais pas, mais. Pourquoi ? Est-ce que ça va dépasser le cadeau que je lui ai offert à Michel l'année dernière, c'est-à-dire un iPhone en laine, mais dans une vraie boîte. Il croyait vraiment que c'était l'iPhone et tout. Il y avait tout le, il y avait tout le truc autour, c'est-à-dire qu'il y avait la boîte carrée qu'il ouvre. Il, là, il voit la boîte de l'iPhone et il loue, et non. Le pire, c'est qu'il venait d'arriver, donc il a vraiment cru. C'est vraiment putain, il était cool, mon boss, et tout, grave. Le mec, il m'offre un iPhone, ça fait deux mois que je bosse là. C'est un vrai chien, en fait. Et j'étais très déçu, d'ailleurs, que je n'ai pas pu t'offrir de cadeau. Je te refaire des clés d'Audi, mais en laine aussi. Peut-être, ouais. Ou alors une petite Audi A5 en miniature. Pedro va nous prouver qu'il est bien généreux. Oui. Ah, alors là, allez, on y va, Tu veux que je te dise ce qu'il m'a offert l'année dernière ? Non, mais dis pas. Attends, je te le dis, comme ça va te faire chier. Des pastilles pour que, si jamais je pète, ça sente bon. Oui, mais ça, c'est comme le dentifrice. Il l'avait récupéré dans le bureau. Non, c'est faux, que j'avais commandé sur Internet. Sur eBay, j'avais acheté ça d'ailleurs. Ça marche pas. Très bien. Et c'était un cadeau que je faisais à la communauté, et pas pour toi. Et tu t'en es jamais servi. C'est vrai. Bon, alors, quel est le cadeau ? Alors. Ah. Ah, j'ai deux petits cadeaux. Ah, deux cadeaux. Tiens, attrape ça. Oh, tu prends ce qu'on te donne. Prends ce qu'on te donne. Ah, il est joli emballage, hein. Oh, petit cadeau de Bordeaux, il est marqué derrière. Il s'est cassé la tête. Non. Oh, il est mignon, il est écrit joyeux Noël. Il y a un petit mot, petit cadeau de Bordeaux. Pour mon ami préféré. Oh, c'est mignon. J'ai fait l'effort de l'enrouler, de faire un paquet cadeau avec du journal, hein. Tu t'es trompé, il est marqué pour mon petit gros préféré. Ouais, c'est ça, voilà. T'as des problèmes de lecture, Mike, je crois. Mais c'est bien emballé, c'est soigné, on voit. Oui, allez, dépêche-toi, on n'a pas la nuit. Attends, je prends. C'est un spécialiste de l'emballage, hein. Joyeux Noël. Alors, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, effectivement, ça vient vraiment de Bordeaux et je l'ai trouvé par hasard à la Fnac. Et il se trouve que c'est un mec que je connais et je l'ai trouvé par hasard à la Fnac, c'est pour ça que je l'ai pris. Tu fais la pub pour ton pote. Mais c'est ouf ce que t'es en train de faire. C'est un album de musique. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui vient de Bordeaux. Tu te sers de Micha pour faire la promo pour ton photo. J'ai même pas parlé, j'ai même pas dit qui c'était. Oui, c'est un rappeur. Bien qu'on va le dire. Un rappeur bordelais et je l'ai trouvé à la Fnac par hasard. Je savais même pas qu'il avait sorti un album. Un rappeur bordelais. J'ai trouvé ça et donc voilà, je l'ai pris pour Micha. Actuellement. Non, mais bon. Deuxième cadeau. Deuxième cadeau. Il ne pas. Il a fait des duos avec Youssoupha et tout sur l'album. Et deuxième cadeau. Bah oui, c'est gage de qualité. Deuxième cadeau. Hop là. Il y a un duo avec Youssoupha et il s'appelle Sams. Voilà. Ah, tu il s'appelle Sams. Il a sorti un album qui s'appelle. On a fait exprès de pas citer son nom pour voir si t'allais le faire, petit chenapan. Magnifique t-shirt. Oh le t-shirt. Oh là là. Alors attention, il fait sûrement la promo d'une marque. Non, c'est pas ça. Le rap, c'était mieux avant. Voilà. Allez, il a pas tort. Avec regarde le M, c'est le logo du Wu-Tang à l'envers. C'est un beau cadeau ça. Oh. Vas-y, il est bien. Essaye-le s'il te va. Non, il va. Bah c'est ton crew qui va être content, Pedro. Oh. Ah, je fais tourner le business un peu. Ouais. Allez hop, c'est fait. Qu'est-ce que c'est gonflé. Merci ça n'a fait que donner trop d'importance. Et tu dis à merci Micha. Toi. Ouais. Lui il est généreux lui. Mais Micha il s'est servi de toi pour vendre ses poteaux là. Ouais, c'est ça quoi, sans déconner. L'album s'appelle En un tailleur. C'est ça, ouais, tu iras voir sur Skyrock si on y est. Bon, allez, on va. Quel enfoiré. Toff, t'es prêt pour appeler les. Je suis prêt. Pour appeler les gens. Quelle violence, en gros, c'est Noël, putain. Mais oui, mais c'est Noël, ça. Je serai sage jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il y ait un petit enculé qui sort. C'est ça, bah deux voilà, deux, c'est fait, ça en fait deux maintenant. Bon, donc, Toff qui appelle quelques familles, là, pour voir si dans les familles il y a l'esprit de Noël également, afin de. Afin d'essayer de passer Noël avec eux, en fait, tout simplement. S'incruster, quoi. Bah voilà, c'est ça. Allez, on y va, premier appel, c'est parti. Alors, en même temps, c'est Noël. Enfin, mon téléphone était téléphone sans fil, ça existe. Allô ? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Ah voilà, en fait, j'appelais parce que je suis seul pour fêter Noël. Vous savez, je n'ai pas d'amis, personne qui veut fêter Noël avec moi. Oui. Et donc, je me disais qu'on aurait peut-être pu fêter ça ensemble. Où ? Mais je sais pas, chez vous peut-être. Ah non, mon père est là. Avec mon père ? Bah, par exemple, je ne sais pas, avec non, qui non, vous non, voulez. Écoute là, monsieur, écoute là. Oui. Mon père, il boit pas de la bière. Oui. Voilà, et moi, quand on fait la fête, il faut fêter au fond. D'accord. Donc, bah, voilà. Mais écoutez, j'apporterai si du... Si on fait la fête, c'est pas chez moi. Moi, c'est au foyer. Comment ça... D'accord, mais si vous voulez, j'apporterai du cava, hein, comme ça fera un peu champagne. Du cava ? Oui. Non, tout ça, c'est pas un problème. Pourquoi on en doit et puis... Mais justement, je pensais qu'on aurait peut-être pu trouver un endroit ensemble. Moi, hein. Moi quand on est que des hommes, ça va pas le faire. Ah bon ? Je peux amener une nana avec. Ah oui, mais moi je connais personne, donc peut-être que vous pouvez amener quelqu'un. Ah ouais, il faut une nana, parce que nous les Africains, on rigole pas avec ça. Hein. Les femmes, on aime bien. Ah bah oui, mais justement, alors vous pourrez peut-être me présenter des copines. Quelques amis avec toi, quelques amis. Mais j'ai pas d'amis en fait, c'est ça mon problème. Pas d'amis ? Ah non, non, moi je... Ah non, moi c'est pas possible, parce que le jour là, il faut que je sache, il faut que je trouve. Ah oui. Ah oui, le Noël, je vais dans les boîtes, je sache des nanas moi. Ah oui, oui, mais on peut... Et sinon, essayer de parler avec des filles, sinon... J'essaie que je serai prête pour la fête. Ah oui, ah oui. Faut que je trouve des filles alors. Bah sinon, c'est mort. Ah oui, bah écoute, on fait comme ça alors. C'est où on va se voir ? Bah je sais pas moi, c'est. Y a un café près de chez toi ? Bah y a tant de cafés, alors ça c'est pas un problème aussi. Ah bon, bah on se retrouve dans quel café alors ? Je sais pas, la place verte. La place verte, le café de la place verte ? Ouais. D'accord. C'est dans quelle commune ? J'y vais tous les habités, tous les gens, et voilà. D'accord, mais c'est dans quelle commune ? Bah, je ne demande pas de commune, donc si tu veux, il y a la terrasse, et les chevaux. Oui, d'accord, mais là, c'est dans quelle ville ? Et là, tu t'appelles, c'est dans le 11e. Dans le 11e, d'accord, donc ouais. Ok. Ça marche. Et vous m'avez dit, c'est comment ? C'est Tof. Tof ? Oui, Tof. C'est Tof, quoi ? Tof, voilà, c'est ça, c'est Tof. C'est Tof. Voilà. Vas-y, on fait comme ça, tout off. Bon, allez, tout off. Parfait. Moi, je t'appelle tout off. Ah, ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, bah, très bien, ça c'est va tout off. Bon, t'as déjà un premier rencard, hein. Ouais, c'est. Bon, il m'a l'air un peu chelou le rencard quand même. Ouais, d'accord, mais enfin bon. Bon, on appellera d'autres tout à l'heure. Ne bougez pas de là, on fait péter encore un petit cadeau de Noël dans quelques secondes. Et puis, on rappelle hein, dans certaines familles afin de voir s'ils sont d'accord de passer Noël avec Tof. Et on est toujours là ce 24 décembre. C'est beau. Eh oui, c'est Noël. Ça, c'est Noël. Merde. C'est ça l'esprit de Noël. On peut le garder pour le bêtisier si vous voulez. Hein. Pour bon, l'année prochaine. Et regarde. Eh ben, parle de bêtisier. Il y a un autre truc sur toi. Quoi encore ? Ah, on est jeudi. Ouais, et quoi. Le jeudi, c'est. Sodomie. Quoi ? C'est pas l'esprit de Noël, ça t'offre. Ah, pardon. Qu'est-ce que vous avez encore ? Qu'est-ce qu'il y a avec. C'est l'expression du jour. Ah oui, mais je la fais jamais. Oui. Si, bah. tu l'as déjà fait. Il y a un jour où tu l'as fait. Oui. L'expression autour du pot. Mais normalement, je crois que j'avais effacé ce son-là avec. Non, on l'a gardé. Avec mon Raw. Mais non, regarde, tu vas pouvoir te réécouter. Donc c'est. Allez, bon. Essaye, Mike. Mais... Ça marche. Ouais, c'est nul. Bah, je suis pas, dis-nous. Vite fait. Franchement, vas-y, c'est drôle. Mais ça me fera rien. Mais c'est magnifique. Ça me fera rien. Tiens, toi qui as jamais été bourré, tu vas voir ce que ça fait d'être bourré. Ça me fera rien. Je suis sûr que ça va te faire quelque chose. Mais si, ça te fait quelque chose. Bon, c'est quoi votre délire? Il faut mettre le doigt dans le merdier. Ouais. Ça fait 5 fois qu'on le fait. Et tu tournes vite. Qu'est-ce que tu veux, toi, espèce de chien? Ça fait 4 fois. Pablo, fais pas le malin. Fais d'abord attention à ton équipe. Et après, on en reparlera. Bon, allez, on y retourne. Allez, faut très vite. Hein. Faut mettre le doigt dans le merdier. Ouais, il faut que tu sois baissé, quoi. Faut juste tourne autour. Ouais, mais faut, c'est mieux que tu baisses la tête. Ouais, voilà. Ça, le sang descend. Allez. Tu quoi? Vas-y. 1. Plus vite, Mike. Ouais, bah une seconde. Allez. 3. Ouais, bah une seconde. 4. 5. Quelle enfer. Rien là. Ça va, mec? Je confirme, le studio tourne. Oh, ça va. C'est bon, là ça va. Il est parti en arrière. Là, je suis revenu. Il est tombé par terre. Ouais, c'est drôle. Ça marche pas sur moi. Cela dit, j'ai juste à dire que il me semble. Après, il faudrait que je revérifie. Oh, les larmes du roux. tout le monde perd. Tout le monde perd. C'est excellent. Pablo fume droit. Alors, c'est pas anniversaire. Donc, j'ai dit, il me semble, il faudra voir après sur la vidéo, mais il me semble. Route, c'est dégueulasse, il transpire de partout là. Quoi, je pleure. Il y en a pas qui fait mal. Il y en a pas qui fait mal. Les gens, ils savent très bien qu'ils vont se manger la gueule et ça arrive. Ça marchera pas. Il y en a pas un qui tombe. Toi, tu tombes six fois. Non, je suis pas tombé six fois. T'as tourné six fois. Ouais. Tu t'es explosé. D'ailleurs, je me suis fait mal. On peut faire le couteau là. Et moi, Mike, j'ai pas rigolé. Ouais. Ah, vous avez dit, c'était nul, aucun intérêt. Ah, non, tu faisais le malin là. Ça, hein, c'est un de nos meilleurs souvenirs, je pense. Ouais, t'en flas. Bon, alors là. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Franchement, si c'est ça ton meilleur vidéo, souvenir. Il y a la vidéo sur le site, ouais, ça deviendra aussi votre meilleur souvenir. Allez voir. Mais le bruit. Tourner autour du pot. Quand elle t'éclate contre le mur, le bruit que ça fait. Franchement, je t'adoue à l'hôpital. Hein. Franchement, continue toi. Arrête, tu t'es juste bien ramassé, mais c'est tout. Ça fait pas un an déjà, et puis en plus de ça, franchement, j'étais ouvert, je pissais le sang. Hein. Oh. J'étais ouvert. J'étais grave. Ouvert. Mais toi, fais jamais Koh-Lanta. Hein. Mais je veux pas, si, je vais aller, mais c'est n'importe quoi. Je vais en touriste. Non, c'est là qu'il va aller. Il, le moment où ils doivent sauter du bateau et nager, déjà lui, ah bah non, je meurs. J'ai noyé. C'est ça. Non, franchement, j'étais blessé. Hein. Ouais, bah oui, on a vu ça. Ouais, bah, allez voir la vidéo. Bah voilà, tu fais le malin avec ta vidéo là depuis tout à l'heure. Bah allez voir la vidéo et vous verrez qu'effectivement j'étais blessé et que au final j'aurais peut-être dû avoir une assurance accident. Enfin, bah, heureusement qu'on fait ça avec une équipe médicale qui nous encadre, hein, sinon. Ah bah, je te confirme. Ou t'es celui qui a le plus rigolé, il faut que tu t'excuses, trouve un moyen. Ouais, en fait, c'est ce que je te disais hier et que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est quoi encore? Ah, on a, bon voilà, il y a un album et j'aimerais t'offrir. Et ah oui, pas ta merde, ton escroquerie, je parie non, encore. Non, pour là. L'instant, j'ai pas l'album, mais j'ai la bande-annonce, la pub qui va passer à la télé. Énergie et la société de nettoyage d'Asilva présentent le nouvel album de Patrick Truel. L'artiste revient en concert avec des titres en béton. Et croyez-moi, ses chansons vont vous scier. C'est un artiste avec de chez toi, Mike. La chanson poignante où il casse la baraque. Caché où toi? Caché où toi? Caché où toi? Et sa chanson choc, où il avoue qu'il a failli mourir dans un accident de travail. Et une version remasterisée de son tube phare, Place et je t'abandonne. Je t'ai dit ferme pour 30 ans, même jour, même heure, même port. On verra quand tu mettras le ciment sur les morts de la place et je t'abonne. Il sera en concert au Bartava Rodriguez demain vers 14h30 et à l'établissement du ciment vendredi dans la nuit. Patrick Truel en live, un événement NLGH. Patrick Truel. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est le grand artiste. La place et je t'abonne. Ah, un album pour toi, Michael. Tu rigoles pas, Mike? C'est nul. Mais non, c'est pas nul. C'est un bon cliché comme on aime. Ouais, c'est ça. Bande de racistes. C'est vrai, Raciste parce qu'on est ça, bah oui, je suis raciste. Et oui, je vote FN, voilà. Non. On va récupérer ça. T'inquiète pas, ce sera fait. Je suis raciste et oui, je vote FN. Non, déjà. On n'est pas en période électorale. Je vais passer en bas de sa cité avec des haut-parleurs dans ma voiture et je vais diffuser ce message. Ouais, bah t'inquiète pas, à mon avis, on souffle sur ta caisse, elle se retourne. Bon, bientôt régional. Puisque, je rigole. Puisque Sandro se la ramène, elle va être contente, mais bon. Il est l'heure. Qu'elle va être contente. Il est l'heure du cadeau. J'ai peur. Ah, tu peux avoir peur, hein. Tu peux avoir peur. Allez, pourquoi t'as mis cette musique là? Ah, parce que c'est. Mais qui est-ce qui t'offre un cadeau? C'est moi. C'est Toff. Bah, c'est Toff. Très, très il beau l'a posé cadeau. Comme un bourrin devant moi. Mais oui, non, c'est-à-dire que je l'avais mis devant elle. Attends. Alors, il faut expliquer, il est emballé dans. Alors, c'est Winnie l'ourson, j'adore Winnie l'ourson. Voilà. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est parce que t'avais des cadeaux de Noël à faire pour des gamins et que t'as récupéré pour moi? J'ai acheté spécialement pour toi. Ah, c'est mignon comme tout. Attends. Quoi? J'ai la pression, arrête! Attends, parce qu'on sait pas, c'est un cadeau qui est censé lui plaire ou c'est juste. Normalement. Sa gueule. Non, normalement. Enfin, c'est. Oui, c'est pas me foutre de sa gueule, mais normalement, c'est quelque chose qu'elle doit aimer. plaît. En tout cas, c'est que je dois aimer. C'est le, genre, c'est le genre de truc qu'elle aime. T'as trouvé le papier Winnie l'ourson dans le magasin où tu l'as acheté? Ou tu t'es fait chier à trouver du papier Winnie l'ourson? Non, j'avais pas de papier cadeau puisque j'ai commandé sur internet, mais Je suis allé au Monop ici, c'était le premier papier que j'ai trouvé. Mais dis que tu t'es fait chier. Non, mais non, il y avait d'autres papiers, mais pour le cadeau Winnie, pour te faire plaisir. T'as téléphoné aux Flamandières là pour. Moi, je peux ouvrir ou pas? Oui, vas-y, voilà, on s'en branle du papier. Stop. Mais arrête, tu mets la pression là, je vais en bout. Je vais ouvrir ou pas? Ah, arrêtez. Allez. Allez, relou, il faut que. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tic-tac-boom, qu'est-ce que c'est que ce dos? C'est quoi, bah, ça? Je connais pas. C'est un jeu? C'est le truc que t'avais vu à la télé, t'avais dit ouais, machin, je veux jouer à ça. Ah, énorme! Non, mais c'est quoi? Bah, je m'en rappelle pas. Pas. Non, mais ça veut dire que c'est qu'est-ce un truc. Qu'est-ce qui me... Mais non, mais ça veut dire que c'est un truc qui me plaît. En fait, c'est un jeu tout con. C'est-à-dire que tu tires une carte avec une sonorité. Ouais. Et en fait, t'as une espèce de bombe qui simule un chronomètre, si tu veux. Et en fait, tu dois donner un nom qui termine avec la sonorité dans le mot. Et ensuite, tu dois faire passer la bombe. Et celui qui a la bombe en main, quand elle pète. Mais t'es con, pourquoi t'as fait ça? Ça fait du bruit. Ça ah, mais non, mais chier, c'est chier, pour s'éclater, ça. Ça va faire des bons speaks à la rentrée, ça. Ah, ça, c'est génial. Super. Merci, Tom. C'est mignon. Sur la bouche. Oh. Non. Voilà, mais donc voilà, je savais que normalement ça devrait la faire marrer. Ah, c'est trop mignon. Tu vois, tu m'as fait un beau cadeau. C'est le problème, Teuf, c'est qu'il lui faut quelqu'un pour jouer avec. Oui, parce que par contre, il y a juste un petit souci, il faut être au moins deux pour jouer. Oh, bah, vous de 2 à 12. On est 11 dans l'équipe, on va se marrer, super. Ouais, à la rentrée, on va jouer avec. Wow. Ah oui, tout le monde, on va jouer pour me faire plaisir. Ouais. Tout le monde, on va jouer. Tout le monde va jouer. Quand tu reçois des jeux, tu sais plus parler français. C'est ça. Mais j'ai été gâtée, je suis contente, c'est la première fois que Toff me fait plaisir. Par contre, tu regarderas comment elle marche la bombe. Hein. Par contre, on a fait des bêtisiers là hier et aujourd'hui. Franchement, entre le roux là, qui vient de nous sortir une belle avec son FN, Sandro qui fait ah, c'est génial, je me souviens pas. Je pense qu'on en a des belles aussi. Hein. Non, mais moi j'adore les surprises. C'est ça, on en a des belles aussi. Ouais. Enfin, bon, allez, on va revenir dans quelques instants. On se mettra. Qu'est-ce qu'on se mettra tout à l'heure encore? Bah, du son, évidemment. Évidemment, spécial Noël. J'ai prévu un petit simple plan là, avec My Christmas List. Oh. Ouais, j'ai décidé de pas mettre Marie Carré, hein, parce que bon, il y a moi. Ouais, on l'entend partout dans tous les magasins. Voilà, c'est ça. Alors que Simple Plan avec My Christmas List, non. Donc on le mettra tout à l'heure. Et puis, bah, ne bougez pas, il y a le Chéri, je t'ai fait Goku ou un petit JAV qui arrive avant le mec de 23h. Teuf part se brosser les dents avec son dentifrice gourgognon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à Marie. Et Michael revient juste après ça. Allez, retour de l'émission, comme tous les soirs, spécial Noël ce soir, puisque 24 décembre, etc., etc., pour ceux qui passent le réveillon de Noël en famille. Hein, en général, ceux-là, vous nous écoutez pas. Et puis après, bah, ceux qui passent Noël sans la famille, mais en général, vous êtes avec nous le 24 au soir et ça fait plaisir. Bon, on va donc rappeler quelques familles maintenant, hein, en tout cas une au moins, pour vérifier. Si comme tout à l'heure avec notre ami qui était dans le 11e à Paris là, Place Verte, oui, dans le 11e à Paris effectivement. Est-ce que ces gens sont ouverts à te recevoir pour fêter Noël? Mais pas me laisser seul chez moi à m'enfondre à regarder la télé. Alors tout à l'heure il y avait un mec qui voulait des nanas. Oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà. Donc on va appeler maintenant et puis tu vas appeler maintenant et puis on va voir comment ça se passe. Allez, on y va. Allez. Sont longs, hein. Bah oui, mais enfin bon. Ouais. Là-bas, il y a un moment. Oui. Oui, allô, bonjour madame. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je ne sais pas quoi faire pour Noël et donc je me disais qu'on aurait peut-être pu fêter Noël ensemble. Oui, non, ça m'intéresse pas. Oui, mais je ne demande pas si ça vous intéresse, c'est juste que, voilà, moi je suis tout seul pour Noël et si vous baissiez votre télé, je suis sûr qu'on s'entendrait mieux. Non, excusez-moi. Non, mais madame, ne raccrochez pas. Oh, quel bâtard. C'est ça la magie de Noël. Attends, elle fait chier la pauvre. Mais oui, elle est toute seule, mais oui, mais on pourrait au moins la regarder ensemble. Ouais, c'est ça. Je préfère être seule que mal accompagnée. Bah, franchement, ouais, moi aussi. Bon, allez, on rappelle la je même. Je suis sûr que sans son dentier, elle peut faire des trucs bien. C'est ça. Oh. Allez, on rappelle. Quelle dégueulasse. C'est la fond de balle, évidemment. C'est pas possible à couper le téléphone. Moi, oui, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas esprit de Noël de raccrocher comme ça au nez des gens. Mais je le raccroche. je n'ai pas raccroché. Si, vous avez raccroché, la communication a été interrompue, c'est que vous avez raccroché. Eh oui, mais je vous ai dit que ça ne m'intéressait pas. Mais oui, mais c'est, je ne vous demande pas si ça vous intéresse, je vous demande de me rendre service. Parce que moi, je n'ai personne pour fêter Noël. Eh bien, moi non plus. Moi, je m'en vais en vacances. Eh bien, voilà, peut-être qu'on pourrait partir ensemble. Excusez-moi, monsieur. Mais non, mais ne raccrochez pas. Ah oui, bah, j'ai pas gagné. C'est excuse bidon, c'est genre, elle va partir maintenant. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, elle peut partir demain, Amy, pour Noël. Bah oui, mais donc ce soir, on peut fêter ça ensemble. C'est vrai. Bon, allez, on rappelle encore un petit coup, là, on sait jamais. Ah, on s'acharne. Ah oui, bah attends. Ça va nouveau mettre deux heures à décrocher alors qu'elle vient de raccrocher il y a 30 secondes. Et la télé à fond de balle, finalement. Allez. J'ai une petite surprise pour Sandro. On va retrouver l'hallucination auditive d'Avril Lavigne. Ah, très bien. Allô? Oui, allô? On a été coupé tout à l'heure, je ne sais pas mais ce qui non, se passe. Mais non, on n'a pas été coupé, je vous dis. Ah bon? Non, on n'est pas coupé. C'est moi qui j'ai dit que je passais à vacances. Ah ben oui, ben voilà, c'est ça, on en était là. Et moi, donc moi, je vous proposais de partir avec vous. Oui, dans ma famille. Mais oui, voilà, comme ça, moi, je rencontre des gens aussi. Vous me présentez votre famille, ce sera bien. Oui, et pensez, comme ça, je ne fais pas Noël tout seul. Vous pensez ici, il va vous recevoir? Bah bien sûr, bon. puisque je vais venir avec vous. Bon, non. Non. Hein, ce sera bien. Je raccroche cette voix, mais ne me rappelez plus. Oui. Mais pourquoi? Parce que je porte plainte. Mais vous n'allez pas me laisser comme ça, madame, pas le jour de Noël. Ah, si, important, là, raccrocher, et donc le soir de Noël, tu resteras seul. Elle n'est pas avec elle. Elle n'est pas cool, la vieille, franchement. Avec tout l'amour que j'étais prêt à lui donner, toute passion que j'avais pour elle. Tais-toi. Bon, souvenez-vous, il y a quelques jours, on en avait parlé, là, des cadeaux sympas à offrir pour Noël, hein, pour ceux qui s'étaient encore réveillés en retard, dans le sens où qui s'était rendu compte qu'il fallait offrir le cadeau mais un petit peu trop tard. Eh bien, il y a toujours certaines solutions de dernière minute. Énergie et le sanatorium du Puy du Fou présentent la nouvelle comédie musicale de l'année, Mozart, l'opéra Toc. Je vous mets nuit à la Saint Symphonie. Vite, ma chasse a des grosses couilles, enculé, je te lèche. L'Opéra Toc, un événement énervé. Un événement énervé. Ah oui, je te confirme, effectivement, ouais. Qui a écrit ça? Ah bah c'est une comédie musicale, on n'y est pour rien, nous. Ah mais tu peux avoir écrit la comédie musicale. Non, moi j'ai eu l'idée de base qui, dans ma tête, était beaucoup mieux que ça. c'est ça. Bon, il reste quelques hallucinations auditives, ouais. On a la surprise pour Sandro d'Avril Lavigne. Qu'est-ce que je sous? Ah bah très bien, parfait. Qu'est-ce qui t'arrive, Sandro, encore? Bah devine, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me saoule. Je vais craquer là. Mais non, mais avec Polo là qui met son t-shirt sur le nez, c'est genre il est asphyxié par sa propre odeur. Ah, il pue sa race. Tu pues, sale porc. J'en suis. Putain. Non mais tu sais quoi, j'en suis à un point là que je pourrais reconnaître le P de Polo parmi d'autres. Oh, son odeur de cul, je la connais par cœur. Mais c'est normal, c'est le plus vieux, donc à l'intérieur c'est plus moisi. J'en peux plus, Mayday. Il y a des champignons à l'intérieur, c'est qui pourrissent. Nous sommes coincés. Michael et moi, ça ne veut rien là. Ça doit être dégueulasse. Non, moi j'ai pas de problème. Là, je demande un droit de réponse parce qu'il y a pire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le roux quand il pète, vous n'avez pas senti l'odeur. Et Pablo, c'est encore pire. Et Toff. Ah, non, et lui? Oui, moi j'avoue, voilà. Moi j'ai pas de honte avec ça. Bon, allez, hallucination auditive, roux, donc c'est lesquels alors? Bah, on a Avril Lavigne. Non, parle avec le nez. On a Avril Lavigne. Non, ça va, c'est parti. Ah bon, bah, très bien, parfait. Donc Avril Lavigne, ouais, c'est celui que Sandro voulait réécouter. Qu'est-ce que je suis? Ça m'avait jamais percuté avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit en anglais? Parce que j'arrive même plus à comprendre maintenant. Guess who she sees. Qu'est-ce que je suis? Ouais. Tu peux plus maintenant, tu entends. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est que j'arrivais plus. Ah ouais, putain. Bah c'est que j'entends qu'est-ce que je suis. Quoi. Ah ouais, en anglais, je suis incapable de savoir ce qu'elle dit. Ouais, je te confirme. Alors j'ai du Ricky Martin, du Ray Charles, du Megadeth. Ça, je connais pas. Du Gypsy King et du Police. Très bien, parfait. Oh, du Gypsy King. Oh, c'est l'horreur. Allez. Ah, Ah, j'ai pas compris, c'est quoi? Et averti donc qu'elle descend par en haut. Par quoi à la fin? Par en haut. Et averti donc qu'elle descend par en haut. Vas-y. Ouais. Non, mais il a fallu que tu me répètes trois fois, mec, avant que je comprenne. Hein. Ah, j'ai Masakazu Mori. Bah, c'est qui? Ah, c'est un mec de dessin animé. Ça fait plaisir à tout le monde. Je sais pas qui c'est. Hein, eh bah, non, mais en fait, ce qu'il dit est drôle. Kissu et cuisine. Non, Kishim et Kishimu. C'est du japonais, hein. Il est pas mal. Ça veut dire quoi? Bah, Kishi et Kishimu. Ah, Kishi et Kishimu. C'est pas mal. Vas-y, mets Motorhead là, qu'on mette en. Non, Megadeth, pardon. Ce Plora et Motorhead. Ah, je pense que c'est une chanson où il chante en français. Ah, le bouffon. C'était à tout le monde. Vas-y. Ouais. Non, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, mais ça a l'air nul. C'est nul. Non, mais c'est quoi? Attends, remets-le. Ça pue? Ça pue? Il dit Abdoul et lundi soir. Abdoul et quoi? Abdoul. À tous les lundis soirs, ou alors à tous les nains du soir. Ouais, enfin bon, vite ouais, fait. Ouais. C'était vraiment pas le meilleur. Bah, écoute, il fallait bien taper dans ouais. Le dernier. J'ai Ray Charles. Ray Charles. Vas-y. Ah là, j'ai fait. J'ai des puces aux couilles. Oh là là, moi, tu sais, j'entends quoi? Il met tout son coude, oh yeah. Regarde, là. Il met tout son coude, il est. Ou tout son collier. Ouais, très bien. Bon, on garde le reste pour tout à l'heure éventuellement, hein. Ouais. Hein, pas trop se fatiguer non plus sur le coup là. Bon, on va revenir dans quelques instants. On va encore faire appeler Toff, hein, quelques personnes là en France pour voir si elles seraient disponibles à accueillir Toff pour passer le réveillon de Noël avec elles. Ce serait plutôt bon esprit et c'est. Même ce serait ça, l'esprit de Noël. Mais ce serait ça l'esprit de Noël également. Ne bougez pas de là, on revient dans un petit instant. Oui. Les Mayas avaient prédit les plus grosses catastrophes pour 2012. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que Michael et toute son équipe feraient de la radio tous les soirs de 21h à minuit sur Énergie. 2010, préparez-vous. Les problèmes vont commencer bien plus tôt que prévu. On va donc appeler ton père maintenant pour lui faire croire que tu étais en balade aujourd'hui dans Paris, bah de préférence vers Pigalle. Oui, oui, bah j'ai le sexodrome. Jennifer. Un très, très beau sex shop. Jennifer. Oui, oui. Ah voilà, donc de préférence vers Pigalle, hein, que tu te baladais, et donc que tu as piqué, que tu as volé dans un sex shop, quoi. Ok. Parfait. Bon, et eh ben écoute, on y va, on l'appelle. Alors on est à quel commissariat du coup Port de Clichy. Place de Clichy. Mais là, à cet endroit-là. Place de Clichy. Place de Clichy. Il y a un commissariat à Place de Clichy? Bah, il y a le commissariat de Clichy. Oui, de vrai, il y en a pas un. Mais... si, il y en a un, je crois. Bon, commissariat de Clichy, voilà, on va dire ça comme ça. Non, non, non. Clichy, non, c'est une ville à côté de Paris. Non, ouais. C'est ça, c'est le commissariat du c'est 18e. 17e. 17e. 17e, voilà, ok, parfait. Je suis pas sûr. 18e. Oh merde, 18e. Bon, c'est quoi? 18e. C'est 18 alors. Hein. 18. 18e, très bien, ok, parfait. Allez, on y va, c'est parti, Jennifer. Ok. Allez, go. Ça ne téléphone pas. C'est dommage. Quel quartier de merde, putain, ce quartier, place de Clichy, Pigalle. Ah, c'est pourri. Quelle erreur. Non, c'est pourri. Allô? Allô? Allô, allô? Oui. Papa? Oui. Ouais, je t'appelle parce que j'ai un petit souci, tu vas m'engueuler, tu vas me tuer, mais il n'y a que toi que je peux appeler. Tu sais que je dors chez Elodie ce soir, normalement. Oui. Et bah, j'ai été me balader avec elle vers Pigalle. Et, qu'est-ce que vous avez été faire à Pigalle? Ben, on a été dans un sex shop et en fait, j'ai volé un assortiment dans un sex shop et je me suis fait attraper et là, je suis en garde à vue au commissariat de Clichy. Mais qu'est-ce que t'as été foutre dans un sex shop? Et maintenant, t'es où? Je suis au commissariat de Clichy en garde à vue et il faut que tu viennes payer les 200 euros que je dois au magasin. Pardon. Ah, Jean-Roger, là, est-ce que vous pourriez décrocher le téléphone, s'il vous plaît? Pardon. Allô? Bah oui. Allô? Oui. Mais allô? Qu'est-ce que t'as été foutre à Pigalle dans un sex shop? Bah j'ai. Ça t'a pas suffi la dernière fois? Bah ouais, je sais, mais j'ai été pour me taper un délire avec Elodie et puis voilà, je me suis fait attraper. Bon, mademoiselle, au niveau du téléphone, vous avez prévu de raconter votre vie toute la soirée ou on pourra passer aux choses sérieuses? Bah, j'explique à mon père pour qu'il vienne me chercher, je vais pas rester dans le. Il est hors de question, je t'ai dit, la prochaine fois tu te démerdes. Bon, est-ce qu'il va arriver ou pas, dans combien de temps à peu près? Bah, je sais pas s'il va venir. Tu te démerdes, tu te débrouilles. Pourquoi? Vous lui avez dit il fallait venir rapidement. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Bon, donc cette fois-ci, elle se débrouille, vous voyez ça avec elle. Bon, mademoiselle, passez-le moi si vous voulez, éventuellement. On va se dépêcher parce qu'il y a la loco qui va ouvrir. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes le père de la demoiselle? Oui. Parfait. Bon, est-ce que vous pourriez venir la chercher alors? Il est hors de question. Comment c'est ça, pas la première fois où elle me fait ça et elle mérite une leçon. Bah, alors, c'est-à-dire que c'est pas la première fois parce qu'on l'a pas encore regardé dans le casier justement. Elle a déjà un casier? Non, c'était un petit vol à l'étalage. Ah bon? Et elle devait pas recommencer. Et là, je vois que, elle remet ça, ça va... Bon, quand est-ce que ça s'est passé, ce vol à l'étalage? Oh, elle était beaucoup plus jeune. Elle était mineure? Elle était mineure, oui. Bon, alors, évidemment, ce sera pas... C'était aussi à caractère sexuel, ce qu'elle a volé, parce que là, c'est quand même chaud, hein. Elle avait volé des vêtements, ou c'était quoi? Voilà, il y a des accessoires. Non, là, c'était des babioles. D'accord, il y avait rien d'important. Mais, bon, écoutez, donc, en fait, les commissariats du 18e, hein, monsieur, tout près de Pigalle, donc, et nous avons effectivement aussi la personne qui a, comment dirais-je, attrapé votre fille, puisque c'est le patron de l'établissement, qui est là et qui demande réparation, donc, éventuellement... Ah, moi, est-ce que, calmez-vous, monsieur. Est-ce que vous pourriez... oui. Un petit instant, excusez-moi. J'ai ramené l'autre là, je viens de l'Est là, qu'est-ce que j'en fais celle-ci? Mais, attendez deux secondes, vous voyez que je suis occupé avec le père de la demoiselle qui est là. Ah, bon, monsieur, donc est-ce que vous pourriez passer la chercher ce soir quand même? Parce que bon, là, le patron du magasin en fait demande des indemnités quoi, hein. Il a dû fermer sa boutique. Il demande combien? Un petit instant. Vous demandez combien, monsieur? Ah, écoutez, 200 pour la panoplie SM, et puis après, le désagrément, disons 300, ça fait 500. Bon, 500 euros, monsieur. Pardon, quel désagrément? Bah, c'est-à-dire que là, il a fermé... Là, il a fermé la boutique, en fait, donc c'est un manque à gagner, c'est pour ça, en fait, qu'il demande... Est-ce qu'on peut... c'est pas possible. C'est ma fille, ouais, c'est derrière. Non, pas du tout, c'est une autre dame. C'est pas votre fille, rassurez-vous. Bon, donc, il faudrait 500 euros, monsieur. Bon, je vais me débrouiller. Là, je les ai pas sur moi. Bon, écoutez, si vous voulez, on peut éventuellement, on peut s'arranger aussi, hein, si vous les avez pas sur vous, hein. Je vous écoute. Donc, que voulez-vous savoir, monsieur? Le commissariat où vous êtes. Bon, alors, un petit instant, il y a le patron de la société, enfin, du magasin dans lequel votre fille a dérobé la marchandise qui voulait s'entretenir. Bon, je vous le passe 2 minutes, hein, monsieur, hein. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai une bonne proposition. Allô? Allô? Oui, allô. Bon, écoutez, je suis prêt à retirer la plainte, là. J'ai réfléchi. Ah bon? Ouais. En fait, elle est un peu bonne, votre fille, non? Pardon? Bon, elle est un peu bonne, là. Parce que là, elle est encore avec les vêtements, mais je pense que... C'est ma main sur votre figure qui va être bonne. Non, écoutez, j'essaie de vous arranger, là, la situation. Non, il n'y a pas de question d'arrangement. Non, parce que... Je vais vous arranger, moi. Parce que bon, moi, je me disais que peut-être ce soir, bon, j'ai de la nouvelle collection latex et cuir qui vient de rentrer. Oui. Et je me disais que peut-être, bon, pour oublier tout ça, elle me fait le défilé toute la soirée dans le pipe show, quoi. Oui, mais moi, je vais vous faire un défilé de boss ce soir. Oh, monsieur, j'essaie de vous arranger, de vous faire les choses correctement. Non, mais il n'y a pas d'arrangement qui compte. Moi, je vais vous arranger, ça, c'est sûr. Monsieur, je vous rappelle... Mathilde va bien me dire où était ce sex shop. Mais écoutez, mon sex shop est sur Pigalle, monsieur, mais ce n'est pas la question. Oui, il est sur Pigalle. Mais écoutez, monsieur. Pas, je vais venir vous voir. Monsieur, votre fille n'est pas une sainte nitouche. Hein. Quand on vole une panoplie SM, double dong, fouet et tenue en cuir avec les clous, s'il vous plaît, hein, je veux dire, elle sait ce que c'est. Hein. C'est son problème, c'est pas le vôtre. Bah attendez, c'est mon problème quand elle vole dans mon magasin, monsieur. Je vais avec ma fille. Bon, écoutez, monsieur, je reprends le téléphone. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a pas de solution, il ne veut pas s'arranger. Je reprends le téléphone. Allô, monsieur. Mais c'est hallucinant. Non, mais c'est incroyable. Écoutez, cette histoire, je vous le dis, c'est incroyable. Mais en tout cas, on va l'arranger, on va trouver une solution. Allô. Moi, je vais l'arranger, là. Je vais l'arranger. Bon, monsieur, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Hein. Allô. Oui. Bon, vous avez problème avec le téléphone? Serait-il possible que je parle à ma fille? 25 euros. De savoir si elle va bien. Bah, elle va très bien. Non, c'est pas une prise d'otage non plus. Mais non, c'est pas une prise d'otage, elle est à la police, elle est pas chez un... Un petit peu là dans le commissariat, j'aimerais bien la voir au téléphone. Mais elle va très bien. Vous pouvez me la passer? Oui, une seconde. Bon, elle me dit qu'elle va très bien. Non, vous me la passez, s'il vous plaît. Non, bah, enfin, écoutez, vous pouvez me faire confiance, je fais partie des forces de l'ordre. Bon, alors écoutez, je raccroche. Mais vous savez pas dans quel commissariat on est? Vous êtes dans le 18e. Je l'ai trouvé, c'est-à-dire que je l'ai pas tout ce soir, mais je vais vous trouver. Hein. Bon, c'est le commissariat du 8e. Vous avez bien noté? Non, mais... Ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver. Bon, bah, parfait. Je vais vous trouver. Non, mais ne raccrochez pas, papa. Allô? Pardon? Je dis raccrocher. Oh, bah oui, vous êtes papa, non? Oui, mais je suis pas votre père. Oui, bon, enfin bon, on appelle ça comme ça, on appelle tout le monde papa, la police. Oui. Voilà. Alors, donnez-moi votre adresse. Bon, papa. Allô? Oui. Bon, Jennifer, dis-lui le pauvre, là, il est en train de faire un drame. Allô, papa? Allô? Oui. Ça va? C'est une blague, t'es sur Énergie au GAV. C'est quoi? T'es en direct sur Énergie. Tu te fous de ma gueule? Si tu me réveilles, tu m'appelles pour me dire des conneries pareilles. Mais oui, t'es en direct. Ta mère, elle en peut plus. Mais oui, mais Jennifer, je suis malade. Jennifer, tu nous avais pas dit que tu faisais des conneries tout le temps? C'est pour ça que ça passait mieux, tu vois. C'était... Ah oui, ça c'est clair. Bon, papa. Enfin, Marc. Marc? Oui. Oui. Bon, t'as un écran plat déjà ou t'as un vieil écran? Un écran, si j'en ai déjà un, pas très grand, mais j'en ai un. Ouais, mais il est plat ou il est gros? Oui, il est plat. Ah bon, putain, j'allais t'enfiler, hein, tant pis. Non. Ah mais tout compte fait, non, j'en ai pas. Ah bah non, bah. Dans oui, la ouais. chambre, il en a pas. Ça ouais, fait 10 ans voilà. qu'on a pas la télé à la C'est maison. Ça, ouais. Bon, on va te filer un écran LCD 32 pouces, papa. Oh, génial. Et pour génial, la petite. Merci. Et pour la petite, un double dongle. Un quoi? Un double dong. C'est une glace. C'est une glace qui se mange à deux et entre deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, Jennifer, ouais, pas la bonne idée, pas suscité, hein. Eh, pas sur ce ton-là, sinon je te renvoie directement là, au commissariat du 18e. T'es puni pour toutes les autres conneries que t'as faites. Décompresse. Exactement, oui. Respirez beaucoup, papa. Ouais, bon. Marc et Jennifer, je vous renvoie chez Michel au standard, d'accord? Ok, merci. Salut à vous deux. Bonne soirée, c'est Allez, super cool. À bientôt, ciao à vous. Bouge pas. Roux va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Et Mickaël revient juste après ça. Et retour de l'émission, comme tous les soirs, on est là ce soir spécial. Réveillon de Noël avec l'OMAG qui va arriver comme ça, quand même d'ailleurs, hein, comme tous les soirs à 23h. L'OMAG, quand même le jour de Noël. Ah bah oui, l'actu, c'est pas parce que c'est Noël que ça s'arrête. Hein. Non, mais c'est l'actu de l'année. Hein. Ouais, bah on s'en fout, parce qu'il y a de l'actu quand même, c'est pas parce que c'est Noël que ça s'arrête quand même. Hein. C'est vrai. Micha, t'as cru que t'étais couché sur le siège, là, tu crois que c'est normal? Et le standard, Micha? Non, mais il est dehors. Il répond quoi, à la colle. La bûche est mal passée, Micha. C'est ta bûche. C'est une belle bûche au chocolat. Non, mais c'est parce qu'il est impatient qu'on dévie le standard sur son portable pour qu'il puisse faire le standard coucher. Tout l'hiver, il pourra recevoir les appels. C'est parfait, Micha, c'est parfait. Bon, allez, on va offrir le cadeau de Polo maintenant. Polo, qu'il veut offrir à qui? Écoutez, j'étais en train de dormir quand on m'a réveillé violemment. En fait, je dois offrir un cadeau à Jack. Ah oui, c'est vrai, oui. On m'a pressé de toutes parts, me dire faut acheter un cadeau, etc. J'ai trouvé un cadeau qui va représenter l'avenir. Car à chaque fois qu'il t'arrivera une bonne chose, tu penseras à moi et tu prendras ça. D'accord? Que ce soit un mariage, le pire, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ah, mais non, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Non, le pire, c'est que c'est le seul mec qui va avoir un cadeau, mais qui va, il va être content. Bah oui. Ah oui, moi je sais, j'étais acheté avec Polo. Kishi, mais Kishimu. Bah moi j'étais totalement contre, mais oui, bon après c'est lui qui fait le cadeau. Hein, après. Tu l'offres maintenant ou... Bah oui, non, on va faire ça demain. Je reviens demain. Ouais, c'est ça, bah tu seras bien seul. C'est le même emballage, c'est l'emballage traditionnel. C'est l'emballage traditionnel puisque Polo a pris une enveloppe et il a fait un dessin d'un nœud en fait, tout simplement quoi. Donc voilà. C'est une bombe. Ne secoue pas trop vite. C'est du consommable. Hein. Ouais. C'est son explication qui est chelou. Ouais, mais bon, enfin bon. Non, en général, ça veut rien dire ce qu'il raconte. Ouais, je te confirme, hein, tous les soirs pour le show, il fait la même chose. Oh hein. Voilà, tu vois, il est content. Oh fort. Voilà. C'est pas de la merde, hein. Oh, il a assuré. Une chatte en mousse. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Non, c'est des cigares, mec. Ah, c'est des cigares. Roméo Juliette, Portagas et Open Eagle. Mais moi, qui va les fumer? Eh ben, moi, mon pote. Bah, personne, puisqu'on sait que c'est des mauvais pour la santé, que ça ne sert à rien, effectivement. Bon, c'était gratuit, hein, mais il y avait les allumettes en génial. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il me dit ouais, c'est classe, hein. Pour chaque grande occasion de la vie, donc ça veut dire que j'en ai plus que 3 devant moi. Ah oui. Bah, je te fais la bise. Le mariage et puis. La naissance et le décès. Ouais, parfait. Bah oui, en fait. Il va le fumer le deuxième. Ah, c'est quand on en fumera ensemble. Si tu veux, ouais. Bah, ah oui, bah, je vais bien voir Paulo qui fume, bien. Avec ah, c'est fumé. Un cigare, si je peux ça raconter avec un cigare, je le fais. Puis alors, mec, le Roméo Juliette, c'est pas qu'il a une taille. Ouais, il est là pour 4, 15 jours. Hein. Ah ouais, il fait 20 centimes. Ah, mais c'est à ça aussi, près, l'odeur aussi. C'est que tu pourras les fumer en plusieurs fois. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, je tiens à préciser que fumer nuit à la santé. Exactement, fumer tue et apporte le cancer. Bon, on va faire le... Encore un appel ? Allez, appelons. Appelons des familles pour voir un petit peu comment ça se passe, bien entendu, pour voir si elles sont en mode esprit de Noël et donc seraient capables de t'accueillir pour fêter ce réveillon de Noël, comme on le fait avec vous d'ailleurs. Allez, c'est parti, on rappelle. J'espère qu'elle sera moins sourde que la meuf de tout à l'heure. Allô ? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je ne sais pas quoi faire pour Noël. Allô ? Oui, allô ? Oui. Voilà, donc je vous appelle parce que je ne sais pas quoi faire pour Noël. Eh bien, et alors ? Ben alors, je me disais que peut-être j'aurais pu m'inviter à votre table et que j'aurais pu fêter Noël avec vous. Et qui est à l'appareil ? Je suis Toff. Toff, je ne connais pas de Toff. Non, non, on ne se connaît pas, mais voilà, je me dis que c'est un petit peu Noël, c'est une fête où on partage des choses, et donc je me disais que peut-être on aurait pu faire connaissance, vous m'invitez chez vous pour fêter Noël. Non, je pense pas, parce que nous, on est un cercle très fermé, on reste en famille. Ah ben, mais justement, c'est peut-être l'occasion de vous ouvrir, hein. C'est ça aussi l'esprit de Noël, c'est d'accepter de rencontrer des gens. Hein, non, pas pour Noël. Tout le reste de l'année, on a pour rencontrer des gens. Ah mais non, c'est ça l'esprit de Noël. C'est d'être tous ensemble, on est heureux, on fête Noël. Eh ben justement, vous trouverez certainement une très bonne famille pour fêter Noël. Je vous remercie beaucoup. Mais je comptais sur vous, madame. Eh ben ne comptez plus sur moi. Mais c'est pas esprit de Noël ce que vous faites, madame. Non, c'est pas esprit de Noël. Au revoir. Mais madame, non, ne raccrochez pas. Ah, bah pourtant, elle a raccroché. Hein. Elle s'en fout de l'esprit. Elle n'a rien à branler d'une violence. C'est abusé. Bon, c'est pas grave. Non, on va la rappeler. Oui, on va la rappeler un petit coup, là. Allez, hop. On rencontre des gens toute l'année, déjà. Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. N'importe quoi. Bon, on rappelle. Attends, ça répondait, non, c'est quoi? J'ai une sonnerie bizarre. Ouais. Alors que Pablo a démonté tout le studio. Allô? Oui, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas esprit de Noël. Oui, mais n'insistez pas, comme ça, vous me cassez les pieds, là. Merci, au revoir. Non, mais attendez, madame, c'est pas esprit de Noël ce que vous faites. Allez, ferme ta bouche. Tu te prends des vents même par téléphone le soir de Noël. C'est abusé. Surtout que la meuf était tellement vénère qu'elle a poussé sur une douche. Bon, on va rappeler d'autres, alors, hein, parce que celui-là n'était pas très convaincant. On le rappelle encore une fois, allez. Une dernière, alors. Allez, une dernière. Bon, bah, si tu veux. Faut que je dise en quelle langue? Mais attendez, moi je cherche un petit peu de réconfort et d'amour. Vous trouvez ça chez quelqu'un d'autre, pas chez moi, ça va. C'est bon, je vous connais pas. J'ai pas besoin de vous, je fête pas les fêtes de Noël. Bah, c'est pas vrai, madame, vous mentez. De toute façon, vous m'intéressez pas. Surtout des gens insistants comme ça qui me cassent les pieds. Alors maintenant, vous me lâchez, ok? Si j'insistais pas, madame, vous ne me répondriez pas. Sinon, je porte plainte et j'appelle la gendarmerie, c'est compris? Mais madame, pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est pas esprit de Noël. Elle s'est barrée, Comment, elle était désagréable? Voilà, c'est ça, c'est ça la gentillesse. Elle a bien c'est fait. Ça. Joyeux Noël à tous! Exactement, joyeux Noël! Bon, on en appelle un autre? Je te confirme, on fera le mag aussi juste après. Hein. Bon, allez, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, on en appelle un autre. Alors. Très bien. Ça veut dire que toi, tu vas finir chez nous en plus. Ouais, mais je te confirme, moi, il y a Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis seule pour Noël, pour le réveillon. Exactement. Et je me demandais si on n'aurait pas pu passer le réveillon ensemble. Ah non, c'est pas possible. Ah bon, vous faites quoi ? Non, c'est encore des bêtises, donc je raccroche. Non, non, mais non, raccrochez pas, madame. Je raccroche. Mais je suis tout seul, madame. C'est pas esprit de Noël ce que vous faites, madame. Par contre, l'écho, c'est esprit de Noël. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va la rappeler parce qu'elle avait pas l'air d'avoir compris, je crois, que exactement ce que je voulais. C'est ça, elle a pas compris toute ma détresse. Mais voilà. Tout l'amour en plus que j'avais envie de partager ce soir. Exactement, je crois qu'elle elle avait pas bien compris. On rappelle. T'en sais rien. Oui, c'est ça en même temps, c'est ce que j'allais dire. Ouais, elle avait un boule dégueulasse. Allô? Oui, madame, c'est pas esprit de Noël ce que vous faites. Hein, moi, je suis tout seul. Je vais raccrocher parce que sinon, j'ai appelé les flics, hein, je vous préviens. Mais attendez, madame. Je ne veux pas parler. Oh, la police. Si vous rappelez, j'appelle les flics. Mais madame, mais au moins, j'aurai quelqu'un avec qui passer la soirée, enfin. C'est pas esprit de Noël, hein. Putain, elle nous voit raccrocher. Attends, même esprit de Noël, elle appelle les flics. Ouais, en même temps, elle a dit si vous rappelez, j'appelle les flics. Alors, on va rappeler. C'est le meilleur truc pour qu'on rappelle encore un dernier coup. Allez, on y va, on y retourne. T'es déjà avec la police, hein. Allô? Oui, madame, c'est pas esprit de Noël ce que vous faites. Me raccrochez. Je vous préviens, si vous rappelez, j'appelle mon homme qui est dans le garage et c'est lui qui répond. Mais d'accord. Alors, je raccroche. D'accord? Et c'est la dernière fois, hein. Mais passez-moi. Je vous préviens. Passez-moi votre. Vous avez qu'à appeler quelqu'un d'autre. Mais passez-moi votre mari. Passez-moi votre mari. Ah, elle s'est mariée. J'appelle mon homme, hein, parce que bon, il y a un moment, je ne vais pas déranger la police pour qu'il peut quand même. Je raccroche. Eh ben, elle est belle la France le soir de Noël. Ah, c'est clair, bravo. Merry Christmas. Bon, allez, c'est pas grave, hein, Toff, ça s'appelle un échec. Oui, on va arrêter, hein, avec les appels. Je vais rentrer seul. Laisse les gens tranquilles. C'est clair. Enfin bon, tu vas me masturber. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps. Un bon film de boule. Bon, allez, dans un instant, on va se faire péter le mag de ce 24 décembre. J'ai pas de mal. Allez, retour de l'émission pour cette soirée spéciale Noël. Merry Christmas. Eh oui, joyeux Noël, tout le monde. C'est le 24 décembre et on est là avec vous, bien entendu, avec mon cadeau, enfin. T'étais tellement pressé. Non, mais surtout qu'il m'a dit hier, ouais, vers la même heure, vers 23h, comme hier, avant le mag, tu auras ton cadeau. Ben voilà, on est vers 23h, on est avant le mag, et donc j'ai besoin de mon cadeau. Allez, c'est parti pour le mag. I need my gift. Ah oui, après le mag. Oh putain, t'es relou. Ah, mais c'est important de le faire à l'heure, le mag. Tout ça parce que j'ai dit au début de l'émission qu'il aurait son cadeau à la fin de l'émission. Bah oui, voilà, tu m'as fait chier. Bon, bah tant pis, moi je suis obligé d'attendre là jusqu'à tout à l'heure. Ah oui, bah ça va attendre. Tu vas attendre encore un peu. Un problème, ouais, c'est ça. Ouais. Le meilleur pour la fin. Exactement. De quoi, le meilleur cadeau ou le meilleur gain? Le meilleur cadeau, bien sûr. Ah, hein. Tu dis ça parce que c'est toi qui lui offres. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on va s'échanger les cadeaux de Noël. Enfin, la suite encore tout à l'heure, avant la fin d'émission, bien évidemment. Et puis, bah là, justement, c'est l'heure. On fait péter le Mac du jour. Un tour d'horizon de l'actu avalé sur canapé de saumon digéré au champagne et resservi à notre sauce avec un Mac spécial de Noël ce soir. Voici le premier titre pour ce 24 décembre. En 2009, en gare de Marseille, un professeur de philo a été arrêté pour avoir hurlé plusieurs fois vers des policier, Sarkozy, je te vois. Mais pourquoi arrêter un mec qui crie ça? J'ai la réponse, il criait Sarkozy, je te vois. Ah, les filles, ils ont pas cru, le mec, il était pas sur la pointe des pieds. Ah oui. En 2009, Roman Polanski a été arrêté en Suisse pour une affaire de mœurs qui datait de 1978. Le cinéaste a malgré tout bénéficié d'une libération conditionnelle en échange d'une caution de 3 millions d'euros quand même. En attendant, Polanski et sa femme Emmanuelle Seignier ont assigné VSD, le journal du dimanche, et voici en justice, il le réclame un total de 75 000 euros de dommages et intérêts. Bah ouais, mais il faut bien payer la caution à un moment, hein. Il n'y a pas de petites économies. C'est clair. En 2009, EDF est soupçonné d'espionnage. Ouais, mais c'est pas allé bien loin. En fait, je crois qu'EDF espionnait les conditions de travail des autres entreprises pour s'inspirer, tout ça. Et puis au final, ils ont très très vite arrêté, hein, mais je me souviens plus pourquoi. Ah, moi je me souviens, ils ont arrêté juste après une intrusion, chez France Télécom. Ils ont perdu 83 espions en une semaine. Plus jamais, ça a été leur réaction, plus jamais. Allez, on passe à autre chose ou pas, c'est l'heure du con du jour. Il nous vient de Chine et c'est une femme, Rouf. Ouais, ma conne est une millionnaire chinoise. Ah, voilà. Et comme c'est une grosse conne et qu'elle est blindée, elle a décidé d'acheter un terrier du Tibet. Bah, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est un petit chien qui ressemble à une merde. Allez, rien du tout. Donc, la meuf, elle a dépensé 4 millions de yuan. Oui, c'est. Ça fait brouiller en euros parce que là, ça ne parle pas de masse. Ça fait 400 000 euros. Oh putain! Ah oui, déjà, faut être bien con pour dépenser. Et franchement, quand t'as dit 4 millions de yuan, je me dis ça va faire quoi, 50 euros, c'est quand même 400 000 euros. Mais attends, c'est pas fini. Hein. Donc elle s'appelle Madame Wang, c'est pas des conneries. Ouais. Donc, Madame Wang, c'est le nom de la cote, va encore plus loin dans la connerie parce que pour accueillir son petit chien, elle s'est rendue à l'aéroport de Xi'an en Chine avec 30 limousines Mercedes. Pourquoi ? En fait, elle et ses amis ont reçu l'animal. Comme une vraie star. Elle a mis ses 29 potes chacune dans une limousine. Elle est con, elle est quoi. c'est une milliardaire. Bah en fait, elle a déclaré l'argent a un prix, mais pas un terrier du Tibet. Alors la vraie question, c'est est-ce que sa connerie a un prix. Apparemment, non, elle a pas de limite. Hein. Oui, non, là, c'est même sans limite. C'est 30 limousines pour un chien qui doit faire 10 cm. Il faudrait être Miss Chine. Non, mais surtout ce tarif, quoi. Faut pas déconner, quoi. Enfin bon. Bah, merci pour ce con du jour, Roux. Rien. Allez, on passe au sport. Maintenant, en 2009, on a pu féliciter la championne d'Europe de judo. Bravo à Lucie d'Écosse. Lucie d'Écosse, je croyais que c'était une Française qui avait gagné. Non, mais elle est Française, Lucie d'Écosse. Ah, ok. Comme Cécile de France, donc. Ah non, parce que Cécile de France, elle est belge. Je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Et puis en 2009, après avoir tout gagné avec son copilote Daniel Elena, Sébastien Loeb a remporté son premier rallye avec sa femme comme copilote. Mais la femme de Sébastien Loeb, c'est bien Sylvie Timpan. Ouais, c'est elle. En fait, apparemment, ils ne s'entendent plus. Il paraît qu'elle le trompe avec Eustache. Oh là là là. Ouais, du coup, maintenant, ils habitent dans un pavillon. Oh, bah, de toute façon, c'est pas une grande perte, ils conduisaient à l'oreille. Grosse vanne d'ORL pour terminer l'année. Oui, hein. Désolé. Allez, une petite astuce, une bonne idée, c'est le. Non, je vais pas faire le conseil du jour, le truc, le merde du jour, là, je veux mon cadeau, là, maintenant. Non, ça commence à. Ah, fais le citation quand même. Putain. T'énerve pas, tu vas l'avoir. Non, mais oui, mais bon, c'est chiant, là, surtout que je sais que je vais être déçu. Oui, non, bah, tu vas parler, toi. Tu vas pas être déçu. Ouais, c'est ça. Félicitations. Ah, c'est ça qui est drôle, là. J'ai peur d'être déçu. Tu vas pas être déçu. Ouais, bon, on va voir. Bon, allez. On va passer au petit quiz des citations spéciales Noël, lui aussi. Qui a dit on devrait fixer Noël au 15 août, histoire que le Père Noël puisse arriver dans des cheminées éteintes. Sandro. Il a quand même proposé il y a 2-3 jours qu'on fasse ça en janvier, Noël, pour les soldes. Oui, ça revient moins cher. Par contre, si je puis me permettre, il n'a pas trop réfléchi ou il est un peu bête ou elle est un peu bête, c'est que du coup, si on fait ça le 15 août, c'est en Australie qui va se geler les couilles, le Père Noël. Hein, mais bon. C'est la mère Noël qui doit nettoyer ses costumes. Non. Bon, qui a dit alors? C'est son assureur. Non. J'en sais rien. Je voilà, pas, franchement. Pas 30 indice. Non, une petite indice. Une blague de Madame Belle Père Noël. Pierre Bouvard. Pierre Bouvard. Je dirais Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, merci. Bonne réponse. Qui a dit j'ai mis mes souliers devant la cheminée, le Père Noël m'a apporté des pieds. C'est con ça. Par contre, il a oublié de livrer les jambes, donc du coup. Voilà. Donc c'est un indien. Non. J'ai mis mes souliers devant la cheminée. Le Père Noël m'a amené des pieds. En Belgique, les chats font des vannes. Ah, mais Philippe Geluck. Philippe Geluck, effectivement. Waouh. Ah, bon. Et enfin, le petit dernier ou la petite dernière. Hein. Qui a dit la démocratie, c'est pas mon truc. Soit j'ai le dernier mot, soit je me casse. Eric Zemmour. Non. Nicolas Sarkozy. Non. Attends, mais je vois pas le rapport avec Noël. Ah bah. Redis la phrase. Qui a dit la démocratie, c'est pas mon truc. Soit j'ai le dernier mot, soit je me casse. C'est pas Noël, forcément. Mais t'as raison, ça n'a pas vraiment un rapport avec Noël. C'est cette année, quoi. Vladimir Poutine. Ouais, non. Ahmadinejad. Non. Kadhafi. Non. L'autre, là, en Amérique du Sud. Hugo Chavez, non. Non, mais il est pas méchant. Non, mais c'est un rapport avec Noël, mais pas vraiment. Ah, Noël Gallagher. Ah, bravo. Ah, merci c'était beaucoup. C'était fin. Bon, hop, c'est terminé, mon cadeau. Le cadeau. Oui, bien sûr, le mec du jour, le jour. Allez, hop, voilà. Alors, on dirait un sac poubelle. Quelle horreur. Et c'est un sac poubelle. Non, mais j'ai ramassé ça dans la rue. Non, mais j'ai mis ça dans un sac plastique. Non, mais roux. Tiens. Oh là là là là là. Ah, mais il y en a deux quand même. Il y en a deux. Ouais, mais il l'avait dit hier et avant-hier qu'il avait deux. T'as emballé ça dans quoi? Bah dans le Parisien et dans un sac plastique. Vraiment un sac poubelle, c'est dégueulasse. Ouais. Le Parisien, mais qu'il a choisi les pages spéciales PSG quand même pour l'emballer. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a tous emballé quelque chose de télé. On a tous emballé dans les trucs de merde alors qu'il y avait du papier cadeau dans le bureau. Ah bon? Je savais pas. Putain, on est con alors. On a tous pris des enveloppes à la con là. Alors, par lequel tu commences? Je ne sais pas. Moi, je prendrais le plus gros. Je te conseille la droite. Et les deux sont. Quelle droite? Ta gauche. Ouais. Ma gauche. Donc, le God. Pour commencer. Enfin, ouais. Qui ressemble à un God. C'est un vibro, oui, hein, ça faut savoir. C'est fragile ça ou pas? Ça peut servir à ça. Ouais, c'est un peu fragile. Ah bon, bah alors j'ai pas trouvé. Tu fous de ma gueule. Non. Arrête de donner des trucs. Regarde comme il est content. Il est content. Non, je suis pas content d'avoir ses cadeaux. Je sais que c'est un truc de merde. Lui il est content, hein, il est content. Pillé, et il a fait sa vanne. C'est-à-dire que c'est pas encore ouvert que le roux il est déjà mort de rire. Putain, tu risques de galérer pour l'ouvrir parce que j'ai scotché comme je pouvais. Ouais, c'est pas ton papier collant. C'est pas ton scotch. Le scotch, oui. Papier collant, c'est un ruban adhésif. Oui, c'est papier collant. Collant, c'est vrai ça. Bon. Allez, putain. Oh, t'es vraiment relou, hein. Ouais, ah, putain, putain, non, bah, au bout, t'as été chiant. Cette musique est horrible. Ah, ouais. C'est pas moi qui l'ai composé. Ah, voilà. Non, mais c'est toi qui la passe. Bah, ouais. Ça va être long. C'est long. Bah, oui, mais. En fait, c'est que du journal enroulé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, une canette de ma propre émission. Attends, on vient de changer. Attends. Roux, ne me dis pas que tu as fait un... Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non, mais c'était pas ça à la base. C'est pas ça mon cadeau. Sale con, va. C'est moi qui l'ai payé. C'est quoi le truc? C'est quoi le il est gonflé, sa mère, va. Ça voudrait dire que Roux, ce n'est même pas toi qui a emballé les cadeaux. Mais non, mais si, je l'ai emballé les cadeaux. Non, mais tu te fous de ma gueule, ça s'est changé tout seul. Regarde, c'est ouf. Tu voulais faire une vanne. Tu voulais faire une vanne, c'est toi qui t'es fait vanner. Bon, vas-y, ou l'autre. Ah non, attends, j'ai pas le cadeau. Non, mais tu m'as offert une canette dans mon émission. Je te jure que c'est pas ça. Et là, tu vas nous faire croire que quelqu'un est venu voler le cadeau. Mais attends, je vais aller la chercher. Je suis témoin. Non, c'est pas ça, je te jure. Ouvre l'autre. Ah, mais du coup, l'autre, ça me fait chier. Pourquoi? Parce que le premier préparait le deuxième. Ah, et bah là, putain, attends, je vais chercher en speed. Non, mais là, on va pas attendre 10 ans là. Non, mais dis ce que c'était, c'est bon. Non, bon. Mais... attends. Attends, vas-y, trop tard, vas-y, trop tard. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas ça. Il y a de l'enfume. Eh, vous faites pas ça. Du sérum physiologique. C'est pas ces cadeaux. En fait, hey, c'est à moi, ça. Laurent, il a pris tous les vieux fonds de tiroir. C'est à moi, ça, le sérum physiologique. Qu'est-ce qui me... Putain, on m'a volé mes cadeaux. C'est énorme. C'est énorme. Mardi, on parlait des gens qui refondent les cadeaux qu'on leur a fourgués. Bah, la preuve avec le roux. Eh, bande de salauds. C'est énorme. Il est où mon cadeau? Non, mais rends-le-moi, je vais te donner. Non, je te l'échange. Ah, c'est bon, ça. Je te l'échange contre mon vrai cadeau. Putain, je me suis fait avoir comme une merde. Je te l'échange contre mon vrai cadeau. Bon, bah, va le chercher, là. Sans déconner, quoi. Ça va, c'est juste là. Ah, ça va. Putain, bande de cons. Ouais. Qui a fait ça? C'est Pablo. C'est Pablo, c'est une vanne de Pedro. Ouais, là, il a été marré. Putain, la première fois de l'année. Je lui offre un cadeau qui lui fait plaisir et il se fout de ma gueule. Bon, du coup, il faut que je recommence tout maintenant. Oh là là là là. C'est vrai que c'était drôle. En plus, attention, c'est les mêmes emballages. Ah oui, c'est pareil. C'est pour ça que si vous voulez que tu sois. Surtout quand il t'offre un truc qui appartient au roux. Bon, donc je recommence par le petit alors. Ouais, mais va plus vite là. Ah, mais toi, tu m'as bien fait chier. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de scotch sur celui-là. Ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore une vanne? Non, c'est une vanne. Une carotte? Ah ouais, oui. Pourquoi? Ça rend aimable. Ah ça va te rendre aimable pour le prochain cadeau. Oh, puis c'est une belle carotte. Attends, je la donne, t'as vu la carotte? C'est gentil. Hein. T'as vu comment il t'a mis une belle carotte, Leroux? Je t'ai dit il y a 2-3 jours que c'était utile. Bah là, tu pourras te faire une bonne carotte râpée. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça? Oh, il est pas content de ton cadeau. Il préférait la canette. Non mais t'es cool quoi. Mais va te faire enculer. C'est quoi le deuxième cadeau? Mais rien, c'est une teinture. Teinture pour les cheveux. Couvre 100% des cheveux blancs, résultat naturel et longue durée. Allez vous faire enculer tout ça. Non mais sans déconner quoi. Joyeux Noël. Joyeux Noël, super. Michael. T'as vu la carotte, génial. Ça va pas servir. Hein. Waouh, c'est super. C'est de la merde. C'est pas de la merde. Putain, c'est nul. T'es jamais content. J'ai toujours dit que c'était de la merde, ouais. Noël. Alors est-ce que tu vas pouvoir revendre ces cadeaux? Bah ouais, la crème, ouais, la carotte, non. La crème. Enfin, le bordel, la coloration permanente, ouais, je vais la foutre sur eBay. Hein. Bah ouais, mais qu'est-ce que je fasse avec? C'est vrai. Attends, je te donne le ticket, tu vois. Encore, j'aurais pu le donner à Polo. Bon. Non, bah non, ça va attendre quoi? Il a pas de cheveux gris, quoi. Non, bah non, il a pas de cheveux gris. Bon, eh ben, merci, hein. Ah, bah écoute, ça me fait vraiment plaisir. Ah, putain. Belle carotte. Ah ouais, c'était. Voilà, ça rend pas aimable la carotte. La belle carotte du ronf. Ah ouais, c'était beau, hein. Waouh. Bon, on va revenir, hein. Ouais. Dans un instant. Simple Plan. Voilà, avec Simple Plan et My Christmas List. J'aurais peut-être dû en faire une en roue, tiens. Ouais, allez, bougez pas, on vient. passe le balai dans le studio. Alors ça, c'est le nouveau moderne. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après ça. Et retour de l'émission comme tous les soirs sur Énergie avec la spéciale de Noël ce soir 24 décembre avec le son des Simple Plan à l'instant hein, c'était deux sons de la cave ce soir, deux sons spéciaux pour Noël, voilà. Bon, allez, dans un instant on va encore se faire quelques petites hallucinations hallucinations auditives donc puisque le roux a bien travaillé, il y en a quelques-unes à nous donner hein. Non, j'ai rien branlé mais on a tout donné sur un plateau. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, et puis il en reste là quelques-unes des bêtisiers, pardon. Il y a Jack tout à l'heure et puis ouais. Là on va se mettre sur Sandro. Ouais. Voilà, ça me paraît un bon plan ça. Il n'y a pas trop de dossiers sur Sandro. Non, mais c'est parce que chaque fois qu'il y avait un bon truc, elle l'effaçait et puis elle nous. Hop. Quand ça se grille, c'est qu'elle s'affiche pas des masses. Voilà, ouais. C'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il y avait sur Sandro? Il y a juste parfois elle fait des blagues. Et donc c'est parti, nous allons téléphoner à Mme Grammy. Allez, c'est parti. Bilou a passé un bon week-end. Et Bilou a passé un bon week-end, oui. Surtout si elle a été à la cérémonie. Ah bah, Grémy, à moi. Ah ouais, c'est les pires vannes de l'année. Cette année, j'ai fait des vannes pourries. Ouais. C'était plutôt vannes plutôt que l'affiche, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Et encore là, j'ai eu de la chance sur celle-là parce que vous m'avez compris. Parce qu'on a rigolé. Parce qu'il y en a plein qui sont passés à la trappe ou je me sentais seule au monde. C'était un retardement, quoi. Voilà, ce qui est relativement rare hein, qu'on comprenne. En général, les vannes de Sandro sont souvent un retardement. Oui, c'est vrai. Parce qu'on essaye de trouver simple. Alors que des fois, non, c'est compliqué. Voilà, en fait, tout simplement. Bon, il y a d'autres? Ouais, alors on savait qu'elle avait quelques problèmes avec la langue française, mais elle en a aussi avec les langues étrangères, ça lui arrive. Mais ça marche aussi, regarde le nombre de meufs que Toff a levé sur les chats, ou sur l'autre chat d'ailleurs aussi, et puis sur les mails. Plus sur le chat que sur les mails. Plus. Pourquoi? Je sais pas, c'est tout. Moi, je te donne la réalité des choses. Oh, merci. Après, merci, monsieur le prophète. Les vrais chiffres. J'ai pas d'explication à pourquoi plus par le chat. Tu peux me dire que c'est ton hammam sur le chat, quoi. Oui, c'est mon hammam. Ton hammam. Harem. Alors, je sais même pas pourquoi vous rigolez, j'ai pas compris. Non, un harem et un hammam, c'est pas pareil. Le hammam, c'est quand tu vas comme le sauna, pas comme le sauna, mais. D'accord. T'as dit en fait, le chat, c'est son hammam. Le hammam, c'est un des bains. C'est un truc avec de la vapeur. Oui, d'accord. Et le harem, c'est quand t'as plein de meufs. Putain, en fait, c'est bien. Non, parce que je pensais encore que c'était une vanne de mots. C'est... Là, je fais une vraie erreur, là. Je fais pas de vanne, là. Ah non, là, il n'y a pas de vanne. Je suis totalement naturel. Là, t'es complètement à côté du panneau. Faut le préciser. Bon, allez, next. Ouais, alors il y a des fois, elle essaye d'imiter Toff aussi. Il a aussi à se muscler Non, en fait, je crois que c'est mon préféré. Ouais, on l'a pris dans l'équipe, c'est parce qu'on a une aide de l'État hein, quand on prend des quotas. Gens limités. Ouais. Et avec Toff et Roux, on a pris le jackpot. Hein, ça, c'est... Vas-y, Hervé. Il a aussi à se muscler un muscle. Le plus marrant, c'est le muscle de la fin. Un muscle. Bon, allez, dernier. Ouais, bon, le dernier, c'est Collector. Hein, tout le monde le connaît. Il est connu partout sur Terre. C'est évidemment le traditionnel. J'étais là, pépère, j'écoutais la mixtape d'Alpha 520, quoi, de PD, t'as vu? Elle l'a dit vraiment dans l'émission comme ça, Mille. Ah, c'était au naturel aussi. Non, elle parlait avec une copine, téléphone sonné pendant une pause. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, en décrochant, elle a fait ça, en fait. Voilà, elle a parlé normalement. Et je me grattais les couilles, c'est pas mal. Oui, par contre, les seins, ça dit, c'est vrai. En règle générale, je les gratte pas, les seins, je les touche, je les caresse. Elle les palpe, c'est vrai, elle les malade. Exactement, tes gens, ils vont grossir. Tu me diras, ça se trouve, ça marche? Ça se trouve, hein? Bah, c'est pour ça que j'ai des gros seins? Bah, qui sait? On sait jamais d'ailleurs. Je pense que je les touche, c'est vrai. Bon, on va faire les hallucinations auditives, Leroux? Oui. Vous voulez réécouter Ray Charles tout à l'heure? Oui, allez, fais péter Ray Charles. J'ai des puces aux couilles. Très bien, vas-y. Et Sandro, une autre théorie, c'était? Oh là, oublié, il met tous ses coudes. D'accord, donc après, nous on s'est dit, il dit peut-être, il met tous ses couilles. Toutes ses couilles. Il met tout son coude, à la limite, c'est plus plausible. Ouais. Bon, t'en as des nouveaux ou pas? C'est dur. Je suis idiot. J'ai police et Usundur, on l'a déjà fait il y a quelques temps. Ah ouais? Ouais, mais bon, il est drôle. Bon, on va remettre le. ça va jusqu'au c'est bout. C'est très très long. C'est ouais. très long. Vous avez rien compris. Alors les mecs qui se masturbent assidûment. Assidûment. Ou assez gaiement. Okay. Ou assidûment. Ou ouais. assez gaiement. Mon instrument, il est si long. Il dit maman avant. Faut être concentré, hein. Franchement, faut être concentré. C'est une extrapolation, ce truc. Ouais, ouais, mais enfin bon, c'est un, tu fais dire ce que tu veux. Par exemple, tu vois, il a rien compris. Voilà, c'est ça. Et toi, ça fait juste une demi-heure qu'il joue avec un élastique. Voilà. C'est pas un élastique, c'est une corde. Ouais, c'est encore pire. C'est intéressant. Voilà. Bon, tu le vois qui est là pour ce soir de réveillon, Toff. Donne-moi cette corde. Alors, il me reste Ricky Martin. Non, laisse-la moi. C'est très amitié. Bonjour, joyeux Noël. Ricky Martin et Police. Allez, Ricky. Ricky. Allez. Oh, wow, alors, les machins volés. C'est la toute fin en fait. Vos livres sont dévorés. Ouais, ouais. Non, moi, les livres sont dévorés. Sont dévorés, ouais. Ou dérobés. Non, dévorés, franchement, ça s'entend. Non, mais celle-là, tu sais quoi, on va les ouais, bah, effacer. Ouais, ouais, celle-là, elle est pas terrible. Alors, ouais. Donc, il nous reste Police. Police. Et ça, c'est logique par contre. Elle me l'a coupé, mais j'ai pas compris le début. Ouais, non. Presque, en fait, on l'a un peu modifié. Mon opinel, donc un opinel, c'est un couteau. Ouais. Mon opinel a du mal à couper. Ah, d'accord, ok. C'est là. A du mal coupé. Très bien. Mon opinel. Si, ça, on l'entend bien. A du mal coupé. Moi j'entends à Liman. Ah ouais, moi aussi. Ouais. Et moi j'entendrais il m'a coupé. Ouais, ou à la limite, c'est à la limite, ouais, pour tout, pour que ça rentre en tout cas. Bon, bah, très bien pour les hallucinations auditives. C'est tout pour les hallucinations ouais, auditives. Ouais, c'est bon. Yes. Déjà de hier, je devais pas. Ça va, Euro, pas en ramener d'autres. Tu ouais. pas une prime aussi. Non, c'est bon, l'année prochaine. Ah, bah, c'est gentil, Euro, ça m'étonne que t'aies refusé une prime. Je sais que même 20 centimes, tu me les donneras pas. Quoi? Moi qui t'ai pressé énormément d'argent. Ouais, je te dois encore. Ouais. Non, mais ça va aller. Bientôt, tu vas recevoir ton cadeau. Hein. Ça va aller. Ah, oui, ah, voilà, c'est ça. Il alors, arrivera. Alors, t'as intérêt d'être plus agréable que ça. Exactement, bah, parfait, exactement. Parfait. Quelqu'un veut un café pas, bon, d'accord. J'ai pas d'argent, c'est par politesse. Ouais. Sale con, va. Sale con, va. T'es vraiment un con. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans un instant, de la bouffe. Ah ouais? C'est quoi? Non, pas pour bouffer, hein, c'est juste. La bouffe, pas pour bouffer. Mais non, c'est Miams. Ah. Voilà, la prod qu'on avait faite sur bah, Miams, Diams. Là maintenant, tout ça, machin. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais dire. On va le faire maintenant. Mais je disais dans un instant la bouffe et je m'attendais à ce que les gens disent. Ah, où ça, ouais, où surprise, ça. C'est genre. Bah, justement, mais on a vu que c'était pas du tout ça, donc. Oui, bon, bah ça va. Bon. On avait fait ça à l'époque, c'était. À la sortie de l'album de Diams, ça donnait Miams. Energy et McDonald's présentent le nouvel album de Miams. La reine du rap revient dans les bacs avec son nouvel opus, Sauce. Belle demoiselle aime les tagliatelles, les cuisses de poulet mais aussi les ailes avec Jamel et le cake à la cannelle. Mais si tu veux maigrir, faut que tu jeûnes demoiselle. Avec aussi sa chanson orientale en duo avec DJ Couscous, La Boulette. Alors ouais, j'ai toujours faim, ouais, ouais, je pèse une tonne. Non, non, c'est pas mon mec qui me dira que je suis bonne. Je vous dis que je veux du rab, donne-moi une autre boulette. Sortez le couscous ou s'il n'y a pas une raclette. Et enfin, la version longue du morceau qui l'a propulsé numéro 1 des ventes de singles, Enfant du dessert. Alors je suis sorti de la voiture et je me suis arrêté à la boulangerie pour y prendre du pain dur. J'y ai même mis la confiture. Ce n'est quand même pas de ma faute si je peux rien manger nature. Miams, un événement énergie. Hé, hey, tu manges ton éclair là? Bah ouais. Ok, merci, c'est cool hein. L'album Sauce. L'album Sauce, voilà, c'est ça. Bon, allez, on va revenir dans quelques instants. Quelques petits instants, donc. On va revenir aussi avec le question pour une réponse. On aura le cadeau du roux. Ah, j'attends, là. Oui, bah, ça va, on n'est pas non plus. Il a intérêt à bien, sinon je m'en vais. Bon, de toute façon, on sera fini. T'inquiète ouais. pas, il sera très bien. Ouais, enfin bon, t'en sais pas non plus, on va voir. Bon, allez, on revient dans quelques instants. Ne bougez pas de là, tout de suite. Ça fait 5 ans. 5 longues années. Et Mickaël est toujours là le soir sur Énergie. Pour attaquer 2010, il n'y avait pas de pire nouvelle. Mickaël sur Énergie, 2005-2010. Enfin, 21h minuit quoi. Et retour de l'émission sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez toujours vos messages au 612. Bon, le cadeau là. Débutez votre. Ah, une seconde. Ah, bah oui. Bah... 612, ah, oui, enfin, débutez bon. Votre message par NRJ avec votre numéro de téléphone. Et puis oui, effectivement, cadeau. Avec dans un instant le cadeau du nain. Non, alors non, tu vois, si c'est pour le prendre comme ça, ben je le veux pas. C'est ouais. Pas le nain, c'est le troll. Le troll, il t'a ramené ton costume de lutin. Voilà, exactement. Ça nous arrive de l'appeler Pedro aussi, accessoirement. Non, mais juste pour le teasing, j'ai galéré pour le trouver. Hein. J'ai dû demander à plein de monde, à Tov, j'ai demandé à la Francine qui travaillait avec nous à l'époque. Hein. Trouver quoi? Pour trouver ce que t'allais m'offrir? Ouais, parce que contrairement à pas mal de gens, j'ai essayé de faire un truc... Pour une fois, parce que l'année dernière, j'avais offert un cadeau pourri à Micha, parce que c'était un... Et c'est pour ça que cette année, on croisait tous les doigts pour pas tomber sur toi, et Pedro était dégoûté. Voilà, c'était un iPhone en laine que j'ai offert. Parce qu'il voulait un iPhone l'année dernière, je lui ai offert un iPhone en laine, mais dans une vraie boîte d'iPhone, donc quand il a vu, il a dit, waouh, c'est un patron. Ouais, il était bien dégoûté, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il en a fait au final, on sait pas. Il nous a jamais dit. Non, j'utilise toujours, quand même, il a cuvette des chiottes. C'est une éponge, quoi. Sale con. Sale con. Bon, dans un instant, donc, on offrira le cadeau de Pedro. Ah, bah non, là, c'est d'abord le QPR. Ah, histoire de bien le faire languir, t'es. D'abord le QPR avec Indy et avec Jérémy. Bonsoir, tous les deux, comment ça va? Indy. Salut. En forme? Ouais, la patate. Bon, et Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Joyeux Noël. Qu'est-ce que c'est chiant, Joyeux Noël, c'est grave. Après, le problème, c'est que ça a été bonne année, ça va être duré jusqu'à fin janvier. Jacques, hein, bonne année. C'est vrai que c'est juste pour Jacques, effectivement. Non, mais quoi, c'est pas comme si c'est le premier, ça fait déjà tout le mois que ouais, tout le monde avait oublié là. Mais non. Ouais, ouais. Allez, bonne année. Bonne Jacques. Année. Bonne année. À Jacques, bien entendu. Jacques. Voilà. Bon, Indy, on va jouer aux questions pour une réponse. Et oh, ça s'annonce tendu ce soir. Ça s'annonce un peu tendu. Et Jérémy, on va jouer également aux questions pour une réponse. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Qui veut jouer avec qui? À question pour deux réponses. Pas drôle, si tu fais le malin, t'auras pas le cadeau en revanche. Bon, Indy, tu veux jouer avec qui? Je vais avec Roux. Très bien, parfait. Et Jérémy, attendez une seconde. Micha, c'est Noël, tu vas t'asseoir là. Au cadeau. Au standard. Tu retournes au standard. Si les gens appellent, allez hop. Il est vénère. Détresse amitié, bonjour. Joyeux Noël. Tu n'as pas d'amis, Michel, là, pour t'aider. Bon, alors, Jérémy, toi, tu veux jouer avec qui? Avec Tof, s'il vous plaît. Avec Tof, très bien. Bon, eh ben, parfait. Alors, on va y aller, hein. Bon, vous êtes prêts? Question pour C'est la même pièce. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse, attention ça va commencer, on monte le son. Allez attention, avant le cadeau de Pedro donc, hein. Gros teasing. Ah ouais. Nous allons jouer à question. Attends. Pour une réponse. Par quelle langue le candidat? Indy joue avec le rouge, Jérémy joue avec Tov, donc lequel tu parles? Je crois que c'est Indy. Ah, je sais pas. Quel est son nom? Indy. Indy, hein, je crois que c'est ça. Hein. Non, parce qu'il parle depuis tout à l'heure. Hein. Il parle Indy, oui, c'est une langue. Indy. C'est Indy, c'est tout près chez toi. C'est l'Inde, l'Indy. Le tamoul, on parle. Allez, on y va. C'est très bon avec les insectes. Une fois que je sais un truc, je crois que t'as fait la même vanne il y a quelques semaines. Hein. Ouais, ouais. Et toi aussi, tu parles à tamoul? Ça m'est resté grave. Malheureusement, non. Bon, allez, on y va. Attention, Pedro. Non, mais attention. Oh, pardon, c'est Noël, on fait pas très bien. Allez, attention. Top, je suis rond et joyeux pendant les fêtes de Noël, mais quand il s'agit d'être le pantalon du roux. Une boule. T'es sûr, ou... Oui, une boule. Bonne réponse. Je suis vite triste, on a inventé des jeux à partir de mon corps et depuis, au moins chaque Français a dû m'utiliser un jour. À la roulette, je suis l'outil indispensable. La pétanque n'a plus de sens. À l'euro-million, je suis la chose qui vous permet d'être riche si vous possédez des bons numéros. Je peux être aussi un meuble qu'on assimile parfois au torteau. Je viens de villes comme Berlin où je suis un beignet recouvert de sucre, mais aussi de Bruxelles où je suis un bonbon. À Noël, vous me mettez sur votre beau sapin. Roi des forêts, je suis donc une boule. Bonne réponse, bravo à Indy et à Roux. Deuxième question, vous êtes prêts? Oui. Attention. Allez. Top, je suis né aux États-Unis au 19e siècle, mais je fais ma première apparition aux Pays-Bas. Je n'apparais que très tardivement, en France, vers le début du 20e siècle. En néerlandais, on me surnomme... Oui. Le Père Noël, bonne réponse. On me surnomme Sinterklaas, en anglais Santa Claus, et on me voit que très rarement, si ce n'est jamais. Je suis gros avec une énorme barbe habillée d'un costume encore plus pourri que celui de Superman. En effet, j'ai une veste rouge avec col et manches blanches et un vieux pantalon rouge dégueulasse. Bref, tout ce qu'il y a de plus sexy sur Terre, je distribue les cadeaux entre le 24 et le 25 décembre et je vis au pôle Nord avec des lutins, mes reines et ma meuf, la Mère Noël. Je suis donc le Père Noël. Dernière question. Bon, la dernière, c'est soit sapin, traîneau, lutin, Irlande. Mère Noël. Mickaël, il y a le public qui se fout de ta gueule là. Il est en train de gueuler depuis tout à l'heure. Puis il faut entendre ce qu'il gueule. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, la balance. Non, ça se dit pas. Alors, où tu gagnes si tu le dis? C'est pas très esprit de Noël ce qu'ils disent. Ah, c'est pas du tout esprit de Noël ce que tu viens de faire. C'est deux gros bonhommes avec de la barbe. Les Pères Noël sont parmi nous. C'est les faux Pères Noël. Ils sont les gens toute la soirée en fait, c'est donc, ça. Ah, avec un bonnet. C'est clair, ouais. En rouge, je veux gagner ou pas? Bon, allez, dernière question, vous êtes prêts? Prêt. Qui c'est qui a mis le point en fait là? C'est Indy, très bien. Allez, dernière question. Top, je ne suis ni un passé ni un futur, mais bel et bien un présent, et on me définit comme un transfert d'argent ou de marchandises. Indy. Un gâteau. Non. Un cadeau. Oui, il faut se décider maintenant. Un cadeau. Bonne réponse. Il en avait mis quelques-uns. Eh bien, peu importe, j'ai dit avant. Oh là là là là. Et on me définit comme un transfert d'argent ou de marchandises sans demander quelque chose en retour, ou au moins pas immédiatement. Je rends les gens heureux, du moins j'essaye, car on dit parfois qu'on n'achète pas les gens avec moi. On me donne à Noël pour des mariages, pour des anniversaires ou encore à la Saint-Valentin. On dit souvent que je suis une surprise pour beaucoup de gens et on me trouve généralement sous le sapin pendant la période de Noël. La première syllabe de mon mot est la définition de quelqu'un de désespéré. Et ma deuxième syllabe est derrière mon ventre. Je suis donc un cadeau. En tout cas, on peut pas dire que Pablo se soit cassé le cul. Le cadeau. Bon, c'est gagné, Indy, tu repars effectivement avec un cadeau. Ah, ben merci, hein, pour Noël, ça me fait ça. Eh ben, je t'en prie. Salut à toi, Indy. Et Jérém, tu reviens quand tu veux, d'accord? D'accord. Salut à vous, bye bye. Ciao à vous et joyeux Noël. J'accuse. Pourquoi? Il a dit Portos de merde. Oh, ça doit être chaud. Et vous savez quoi, Mickaël? Parce que c'est Noël. C'est pas grave. Eh ben, ça c'est beau. Voilà. Ça. Il a le cœur sur la main, Mickaël. Il a un poil sur la main et le cœur également. Exactement. Dans le... Je dirais qu'il a une. Exactement. Petite, hein, non, c'est ça l'esprit de Noël. Ouais. J'ai des munitions si tu veux. C'est ça l'esprit de Noël. Je vous pardonne. Je vous pardonne. J'étais sûr qu'il allait sauter. Et encore ça va, j'ai visé les couilles, c'est pas grave. Bon, retour du question pour une réponse. Le 4 janvier. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Voilà. Question pour une réponse, retour le 4 janvier, puisque je rappelle que demain on sera parti en vacances et que ce seront Polo et Pedro. Ils prennent le relais, nous sommes là. Et comme quoi, toutes les semaines et demie. Arrête, je t'en supplie, ça m'en fout depuis des jours et des jours. C'est fatigant. Et donc, les Mexicains qui ont eu une promotion, puisqu'ils ont l'antenne toute la semaine. Et c'est ça, ils font ça gratuitement pour Noël. C'est beau, ça. Pour l'esprit de Noël. Et ça, c'est beau, cet esprit de Noël. Bah, bon, allez, le cadeau de Pedro. Ah, qu'est-ce que c'est? Apparemment, il est dans la cave. Alors, non, il est dans mon sac. Alors, par contre, je suis confus pour le cadeau, pour l'emballage. Non, mais il n'est pas cassé. Ah non, l'emballage, on s'en fout, c'est pas ça que je vais garder. Exactement. Par contre, le prix dessus, vous ne pouvez pas l'enlever. Ah, alors d'accord. Ça, c'est juste pour faire remarquer. Non, parce qu'on est dans la pochette. C'est plus. On avait dit entre 0 et 30 euros. Mais t'avais dit que t'allais dépasser les 30 euros? Non, d'abord, c'était entre 0 et 20, c'est moi qui ai poussé à aller à 30. Ça m'étonnerait vraiment que Mike ait dépassé le budget. Ouais, c'est ça, alors là. On va voir. Ah bon, enfin, quel pas beau paquet cadeau. Allez. Oui, beau paquet cadeau. Je te remercie Energy pour l'enveloppe. Oh non, t'as pris une enveloppe de la radio, la honte. C'est une enveloppe Kraft, voilà. Oh, ça a l'air lourd. Oui, c'est lourd. Si c'était payé, c'est un Oscar. Tu sais quoi, on dirait un dossier SACEM. SACEM, c'est les droits d'auteur. Voilà, c'est ce qu'on envoie là-bas pour. Vu la forme et le poids du truc, je dirais que c'est un parpaing. Hein, c'est un Oscar, parce que tu n'en auras jamais. Fais péter le cadeau là, on veut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que Mickaël a offert à Pedro? Merde, si tu l'as déjà, c'est à cause de toi. Voilà, c'est ça. Ah, Bien, ouais. C'est quoi? Il l'a déjà. Tu l'as déjà ou pas? Je l'ai pas. C'est le nouveau, ça. Mais j'étais pas sûr, donc. C'est quoi? Pedro est fan de Maxime Chatham. Ouais. Alors, l'écrivain. Il aime la littérature, quoi. C'est Oliver Chatham, qui. Mike. Je crois qu'on a fait la même vanne l'an dernier pour mon anniversaire. C'était le cadeau de Jack. C'est pas un bouquin qui était dans la librairie chez nous? Ah non, dans je l'ai acheté. Bibliothèque chez nous. T'es sûr que tu l'as pas pris au hasard dans la bibliothèque chez nous? Ah non, j'ai fallu acheter une merde et puis finalement je tombais là-dessus. Je me dis, tiens, je crois qu'il aime bien ses. Non, Mickaël a acheté un livre. Donc voilà, c'est une librairie. Ouais, ça s'appelle Autre Monde et c'est le livre de Maxime Chatham. Et d'ailleurs, j'ai eu un appel parce que j'ai payé avec ma carte de crédit directement. Vous êtes sûr que c'est vous? Parce que comme c'est jamais arrivé, juste être sûr qu'on vous avait pas volé votre carte. Je dis, non, c'est bien moi, rassurez-vous. Par contre, je préviens Pedro, c'est le premier de 7 tomes. Sérieux? Ouais. Allez, ça va en faire du fromage. Amuse-toi bien pendant les vacances. Il y a bien une banane quelque part. Hein. Ouais, merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. Voilà. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Allez, nous on revient dans quelques instants. Ne bougez pas pour presque la dernière partie de l'émission. Ouais. Ah là. C'est pas grave. Après, nous on part en vacances. Donc, au final. Tu pars en vacances où? Vous faites où? Tu sais déjà ou pas? C'est une très bonne question. Genre, tu pars demain, tu sais pas? Bah non, pas encore. Il est sur scène, non c'est... Ah bah écoute, je sais bien que lui il part en last minute, donc il attend le dernier moment. Hein. Bah, juif plage. C'est clair. Les imbattables. Allez, on revient dans quelques instants. Ne bougez pas, spécial de Noël qui continue encore tout de suite. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. Et retour de l'émission sur Énergie avec presque la dernière ligne droite ce 24 décembre, oui. Réveillon de Noël, avec tout à l'heure encore un petit son de Noël qu'on vous fera péter, du bon son de la cave avec Thousand Foot Crutch, avec Jingle Bell Rock. Pendant de péter, je vous laissais un petit cadeau là, il est pas emballé. Oh. Putain, sale con, tu fais le malin alors, t'as pas encore reçu ton cadeau? Ouais, mais fais gaffe. Je l'aurai. Ouais, pas sûr encore ça. Fais gaffe. Je te confirme que c'est pas sûr. Tu vas m'agresser, c'est ça? J'ai même pas peur. C'est ça. C'est moi qui offre. Bon, dans un instant, The Pierre Wallow Show. Et puis, on aura Jean-Claude aussi tout à l'heure, Sexy Quiz, malgré. Bah oui, mais c'est comme vendredi. Et je crois qu'on en a raté un ce soir au niveau des bêtisiers. Ah oui, il y a Jack. Non, on va le faire. On n'allait pas l'oublier, bien évidemment. Bon, c'est ballot, hein. Allez, c'est quoi qu'il y avait comme bêtisier avec Jack? Eh ben, si, j'en ai un bon là, écoutez. Ça c'est le meilleur. Ah ouais, ça c'est un peu la récurrence de cette année, hein. Enfin, de ces 4 saisons écoulées. C'est ça, récupérer des pains d'antenne. Ah non, putain. Ah putain. Des quoi? Des pains d'antenne. Tu sais, des couilles, pains, quoi, des pains, non, des baguettes qu'on mange ici. Ah quoi. Oui, d'accord, ok, oui. Bon, allez. Merde. C'est pas ça. Des pains qu'il fait à l'antenne, quoi. Des couilles qu'il a. Bah tiens, justement. D'accord, ok, bon, très bien. Il y avait quoi là? Alors, ben non, il y a du jeu de mots semi-foireux, quoi. Ça. On est loin des 10 kilos, pour le moment. On est loin, mais un petit pas. Un petit pas pour l'humanité. Non, c'est ça. C'est un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour. Pour l'homme, c'est ça. Pour l'iPhone. Ouais. Un petit patapon. Là, celui-là. Est-ce qu'on peut se le remettre? Il m'a tué. Cela dit, c'est aussi en même temps, c'est un bêtisier pour Polo, hein. Ah putain. Un petit pas pour l'humanité. On est loin des 10 kilos, Polo. On est loin, mais un petit pas. Un petit pas pour l'humanité. Non, c'est ça. C'est un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour l'homme, c'est ça. Pour l'iPhone. Ouais. Un petit patapon. Attends, derrière, c'est moi-même qui rigole. Oh, il est violent celui-là, quand même. Je vais garder pour la fin. Comment ça peut garder ça, quoi? Et ça, c'est le truc en fait, à la base, ça te fait même pas rire, quoi. Ah non? C'est tellement naze que tu ris pas. Non, mais quand il l'a fait exprès pour 2 années plus tard. Ça, c'est bon. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'il prend pas du tout à sa vanne. Mais tu peux pas croire à ça, Roux. Et petit patapon. Vas-y, remets-le. Mais c'est quoi? C'était pour. En fait, quand t'as fait la première syllabe, tu t'es dit merde, pourquoi je vais en ma gueule? Ouais, non, c'est ça, j'ai dit peu, je me suis dit merde. On est loin des 10 kilos, Paul. On est loin, mais un petit pas. Un petit là, pas j'avais pour déjà l'humanité. La vanne, non, c'est un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour l'homme, c'est ça. Pour l'iPhone. Un petit patapon. C'est ça. Allez, passons au suivant. Alors, là, je crois, je pars en couille, je sais plus à quel jeu on joue. Et normalement, dans le question pour une réponse. Non, pour un champion. Pour une question pour une champion, tu sais quand t'as un champion. Avec Je m'en rappelle de ça. Question pour une champion. Ça va bien sûr, Roumaine. Vas-y, remets. Et normalement, dans le question pour une réponse. Non, pour un champion. Pour question pour une champion, tu sais, quand t'as un champion. Quoi? Question pour une champion. Voilà, voilà. Bon, allez, petit dernier. Ouais, en fait, le petit dernier, c'est Roux. Je pense que ça le faisait chier ce que je racontais. Alors, il s'est dit, tiens, je vais chanter. J'ai cru qu'il était parti un matin avec son sac à dos, qu'il avait marché et que c'était un périple. Oui, oui, oui. C'est pas pareil, quoi. Je vous emmerde. Je sais pas pourquoi j'ai passé. T'en avais marre, je sais pas. Non, mais pas marre. Non, pas du tout, puisque je chantais ce que tu racontais, en fait. C'est dingue, ça. Que si t'écoutes, je chante exactement ce que tu dis. Ah oui, jusqu'au bout, hein, en plus. C'est vrai qu'il était parti un matin avec son sac à dos, qu'il avait marché et que c'était un périple. Oui, mon Dieu. C'est pas pareil, quoi. Je vous emmerde. Un truc, n'importe quoi. Bon, pas bon. Ah, cette époque-là, l'émission était drôle. Bon, très bien. Ça fait rire tout le monde. On va se faire dans quelques instants de P.O.L.O. Show. Et puis, avant ça, on se fait péter maintenant le son de Thousand Foot Crutch avec Jingle Bell Rock. 21h, minuit. Mickaël. 21h, minuit. Sur énergie. Qui est pour le show de l'année, puisqu'à partir de demain ce sera le best-of jusqu'au 4 janvier, enfin jusqu'au 2 janvier pour être précis. Et on sera là avec Pedro, ce sera Polo et Pedro pour le best-of. Oh, ça va! Non, mais faut envoyer avant, faut pas déconner! À un moment donné, voilà. Bon, allez. C'est dit. The P.O.L.O. Show. Bonsoir à tous, ici Camille, la première de film de Miss France sur énergie. Et là, je suis là pour écouter le Polo Show. Je pense qu'elle a commencé déjà parce qu'elle a été considérée par beaucoup de gens comme blasphématoire. Ah, bienvenue dans le Polo Show. Ce Polo Show de Noël va être particulier puisque je vais vous dire ce que j'ai commandé pour Noël. J'ai fait ma liste au Père Noël, j'ai commandé. Qu'est-ce que j'ai demandé? Du talent. Non, ça je n'en aurais jamais, même avec l'aide du Père Noël. Un nouveau bonnet. Non, j'ai commandé des pubs de l'Est. Des putes d'1m90, des blondes, comme je les aime. Bien faites, bien fines, bien parfaites. J'espère que je les aurai. Sinon, je renvoie. Ben c'est super énervant ce petit bruit là derrière. Ah oui, mais c'est Noël. Ah oui, mais c'est Noël, mais c'est énervant quand même. Ah oui, mais enfin bon. Bon, j'espère que vous avez aimé vos cadeaux ou vous ne les avez pas aimés. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez m'appeler, je les récupérerai et les vendrai sur eBay pour vous. Qui est là? Oh non, mais pas lui! Ah si, Noël. Mais c'est... Attendez, monsieur. Il aurait pu faire oh. Pub. Ce qui est bien avec l'iPhone, c'est que si vous croisez El Fassi et que vous voulez partager des photos, il y a une application pour ça. Si vous voulez partager les infos de Secret Story, il y a une application pour ça. Et si vous voulez juste partager un moment de détente avec Angie, il y a aussi une application pour ça. Parce qu'il y a une application pour à peu près tout. iPhone, uniquement sur l'iPhone. Asteroids Galaxy Tour. De retour dans ce Polo Show spécial Noël avec ces trucs qui c'est insupportable, mais bon, c'est Noël, je vais faire un effort. Monsieur Pay. Il s'appelle pas comme ça, il va pas répondre. Monsieur Pay. Vous êtes Monsieur Pay. Monsieur Pay. Bon, deux secondes. Qui est là? Oui, comment tu vas? Ah non, pas lui. T'as pas d'amis ou quoi? Gilles-Louis d'Afrique Centrale, je sais pas quoi. Tu es mon seul ami. Ah, c'est gentil. Bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Zambaramba? De mon restaurant, alors c'est normal que je passe tous les soirs dans ton émission. Monsieur Zambaramba. Non, je te l'ai déjà dit encore une fois et toujours, je ne m'appelle pas Zambaramba, mais alias. C'est parce que j'ai appris ce mot, alias Gilles-Louis. D'accord. Gilles-Louis, de la place Clichy, donc du restaurant dans le 18e. Bon, qu'est-ce que vous voulez, monsieur Zambaramba? Oui, donc je voulais t'expliquer que Noël, en fait, c'est nous qui l'avons inventé. Qui nous? Et en fait, ce n'est pas le Père Noël, c'est le Mehmed Noël. D'accord, monsieur Noël. Voilà. Et alors? J'ai bien noté ta liste du cadeau. Et à ton avis, qu'est-ce que je vais te ramener? Pas des putes de l'Est, parce que c'est un peu trop loin et que j'ai pas trop l'argent pour mettre de l'essence dans les voitures. Vous avez ramené quoi, le 504 break, et comme il est chargé, comme dirait un 3. Et donc, je te dirais que je t'ai ramené des putes de l'Afrique du Nord. Non, merci. J'en veux pas garder pour vous. Des putes marocaines, non, ça suffit. Qui sont très bien. Ils ont un accent. Monsieur Zambaramba, ça suffit. Non, mais c'est un accent. Monsieur Zambaramba, cassez-vous d'ici. Monsieur Zambaramba. Oui. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Écoute, je te souhaite la joyeuse Noël et un wish you a Merry Christmas. Thank you very much. Mais je t'en prie, je viens d'apprendre ça aujourd'hui à l'école sud entière. Ok, allez, casse-toi. Qui est là? Allô. Allô. Bonsoir, Polo. C'est qui? C'est un euro. Je rigole. Dis-moi, Polo. Je t'appelle parce que là, j'ai été en galère là, au niveau des idées cadeaux. Non, mais t'es qui? Je m'appelle Monsieur Moi. Ah ok, monsieur moi, je vous écoute. Voilà, et en plus j'ai un chat. Bon. Et donc en fait, parce que j'ai un chat moi. Et en fait, à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir offrir à mes enfants pour Noël? Sachant que je n'ai pas d'enfant, la question ne s'est pas posée longtemps. D'accord. Mais en tout cas, j'ai une nouvelle cadeau, une nouvelle idée cadeau pour Noël. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Toxiro. Tu connais Bandiro? Oui. C'est une guitare. Oui. Où t'appuies hein, quand les touches. Oui, oui, oui, rouge, vert et tout ceci. Toxiro, c'est pareil. Sauf que c'est une seringue. Et dès que tu vois le truc rouge, ouais, après tu mets dans ta veine. Patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et il nous reste un peu de monde encore. On va tout faire parce qu'en fait c'est Noël, donc la fête est là. Qui est là? Hey, salut polo. Salut. Woody Allen. Pourquoi j'ai Woody Allen dans mon standard encore une fois? Hey bon. Polo. Oui Woody. Ouais salut, c'est pas Woody. C'est qui? C'est Eustache, l'homme à moustache, l'humour potache, bref la grosse tache. Qu'est-ce que tu veux Eustache? Alors dis-moi, j'ai terminé mon one man show. Ouais. Je pense que je vais le jouer au mois de janvier si tu me dis que c'est bien quoi. D'accord. Alors je vais te tester des blagues. Ah non tu vas pas faire ça là, tu vas pas nous niquer l'esprit de Noël. Génial. Alors je vais tester des blagues, tu vas me dire si c'est bien. Vas-y. Alors d'après toi, pourquoi les figurines en forme de nain qui est sur les bûches, elles sourient toujours je à sais Noël pas. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'on va les sucer. Dégage d'ici. Qui est là? Pour terminer, le mec là, Toxiro. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, c'est la demande de Toxiro. Oui, madame. J'ai entendu mon fichoteau parler dans le téléphone. Oui. Et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Rien, madame. Votre fils est un mec bien et on lui a juste souhaité bon Noël. Voilà. D'accord. Allez, au revoir, madame. Je voulais juste vous dire une petite chose. Vite, oh là là. Pour les enfants qui n'ont pas d'idées cadeaux pour Noël. Ouais. J'ai trouvé un nouveau jeu. C'est quoi? Ça s'appelle S-Hero. C'est quoi? Voilà. Là, c'est simplement que dès que vous voyez le bouton vert, là, vous versez le sirop. Un sirop. Allez, casse-toi. Et pour terminer, bien entendu, on ne pouvait pas terminer ce polo show sans Monsieur Pay. Non, Monsieur S, c'était pour rire, c'était une vanne de Noël. Polo. Ouais. C'est Noël ce soir. Bah, joyeux Noël, Monsieur S. Meilleurs vœux, mais vœux les plus sincères. C'est la fête, écoute, Polo. C'est la fête chez moi. Vas-y. Ouh. Monsieur, vous êtes combien, là? Bah, je suis tout seul. Putain, la gueule. Là. Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas trouvé d'amis? Monsieur Hay? Monsieur Hay? Monsieur Hay, c'est Noël, vous ne pouvez pas être tout seul. Je vais venir chez vous manger un bout de bûche. Ah ben, Polo, ça tape à la porte pourtant là. Mais oui, mais c'est normal, si les invités sont dehors, c'est ils vous attendent. Ah ben non, parce que moi j'ai peur, Polo. Mais j'ai alors, j'arrive. Oh, tu viens à la maison? J'arrive tout de suite, je prends mon véhicule et j'arrive. Allez hop. Il est là, Jack? Il est pas là. Ikaël, il est pas là. Lou, il est pas là. Et Sapra, il est pas là non plus. Sapra est pas là? Et Pof, il est pas là. Personne. Pélo, il est pas là. Péro non plus. Michel non plus. Il y a personne. Tu peux dire merci à Jack pour son texte de bon Noël? D'accord, je lui dirai. Et ça me fait plaisir d'avoir ces nouvelles. Pas gros, il n'est pas là non plus, il n'y a personne. Ah bon? Ouais. Et le stagiaire, t'en rien? Il est là. Tel un pieu. Il s'est enraciné dans la console et il ne bouge plus. Ouais. Je peux dire joyeux Noël au peuple? Dites, allez-y. Alors je vais faire un jingle. Polo show, joyeux Noël le peuple, je vous aime. Merci monsieur, au revoir. Au revoir, mon polo show. Allez, casse-toi d'ici. Ainsi achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas. Joyeux Noël à tous. Je vous embrasse sur les boules. sur les boules. Allez, c'est fait et j'attends mes putes. Hein. C'est pas mal et c'est beau, très bien. Bon, dans un instant, on va se faire. On ira chez Jean-Claude, hein, on va se faire. C'est le roux qui va génial. Se faire. Génial. Et puis le roux va ouvrir ses cadeaux. Ouais, ça par contre, c'est intéressant. Ouais, il nous a fait chier depuis 21h, t'es le dernier, bravo. Bah, c'est normal. Bah oui, t'as fait chier, t'as tout fait monde chier. On a eu ses cadeaux. Voilà, bah, exactement, ouais. Donc le roux va ouvrir dans quelques instants. Alors pour souvenir, bah, en même temps, il n'en reste plus qu'un, donc c'est Sandro qui devait offrir au roux. Exactement. Et nous ferons ça dans quelques instants. Ne bougez pas de là, on revient juste après la pause. Bouge pas.